j'aimerais trop dès le réveil m'occuper du morning. Ouais, j'aimerais trop qu'on réveille. Tu entends que je suis là, ouais. Mais j'aimerais trop le matin m'éclater dans mon lit. Ouais, j'aimerais trop le faire, mais le boss ne veut pas. Le réveil dring, nettoyage corporel. Je veux devenir le king, que ma voix t'en sorcelle. C'est fini le zapping, monter les décibels. Direction le morning, et la journée sera belle. Moi perso, ça me dérangerait pas de me lever tôt. Stop les conneries là. Tu sais bien que le matin pour toi c'est pas l'heure. J'aimerais trop dès le réveil m'occuper du morning. Ouais, j'aimerais trop qu'on réveille. Tu entends que je suis là, ouais. Mais j'aimerais trop le matin m'éclater dans mon lit. Ouais, j'aimerais trop le faire, mais le boss ne veut pas. Le boss ne veut pas, non, non. Le boss ne veut pas, non, non. Le boss ne veut pas, non, non. Le boss ne veut pas. Le boss ne veut pas, non, non. Le boss ne veut pas, non, non. Le boss ne veut pas, non, non. Le boss ne veut pas. Je t'emmène. J'aimerais trop dès le réveil m'occuper du morning. Ouais, j'aimerais trop qu'on réveille. Tu entends que je suis là, ouais. Mais j'aimerais trop le matin m'éclater dans mon lit. Ouais, j'aimerais trop le faire, mais le boss ne veut pas. Tu peux l'espérer, oh, tu vas pas le choper. T'es peut-être motivé, oh, mais faut pas t'emballer. Mon ami, tu rêves, car ce poste n'est pas pour toi. J'aimerais trop dès le réveil m'occuper du morning. Ouais, j'aimerais trop qu'on réveille. Tu entends que je suis là, ouais. Mais j'aimerais trop le matin m'éclater dans mon lit. Ouais, j'aimerais trop le faire, mais le boss ne veut pas. Michael, le morning, t'as pas compris, c'est pas pour toi. Michael, le morning, t'as pas compris. J'aimerais trop dès le réveil m'occuper du morning. Ouais, j'aimerais trop qu'on réveille. Tu entends que je suis là, ouais. Mais j'aimerais trop le matin m'éclater dans mon lit. Ouais, j'aimerais trop le faire, mais le boss ne veut pas. Le boss ne veut pas. Ouais, Taf, t'es où? Bah, j'arrive là, je suis dans les bouchons. Bah, tu rigoles, on est à l'antenne dans 5 minutes là. Bah ouais, je sais. Ça fait crédible? Pas des masses. Bonjour tout le monde, ça y est, le warm-up est terminé. Il reviendra demain à partir de 6h comme chaque matinée. Il est 6h26 et faites gaffe au microbe, Jules est arrivé. Voilà, je suis là avec ma voix très très agréable. Oh, bien chargée. Bon, ouais. Par soutien à Julie, je décide de parler comme ça. Oui, c'est ça, on va être solidaire, on va faire l'émission comme ça jusqu'à 9h30. Voilà. Comme ça, moi je me sentirais un peu moins. Un peu moins con. Voilà, exactement. Mais là, je fais un effort là pour essayer de parler avec une voix plus ou moins agréable. Alors imaginez si je ne fais pas l'effort. Non, mais c'est pas ça, mais imaginez quand elle va parler 3 minutes non-stop dans les infos. C'est-à-dire qu'au début, ça va être aujourd'hui, il s'est passé ça dans les actualités. Et après, ça va être complètement morte. Bah, d'ailleurs, ce matin, quand elle est arrivée, Hey, bonjour, c'est Julie. Oui, au moment, j'ai cru que c'était Roger qui nettoie. Hein, donc, j'ai dit, mon Dieu, il va se passer des trucs. Mais je suis là, hein, une fois de plus, c'est vrai. C'est vrai. Bon, voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end, une bonne nuit également. On est ensemble jusqu'à 9h30. On parlera people tout à l'heure, évidemment. On aura, comme d'habitude, la célèbre ligne anti-relou. On aura l'occasion de payer vos factures. Ce sera dans quelques minutes, ça d'ici une demi-heure maxi. Si vous voulez vous inscrire, eh bien, vous êtes les bienvenus dès maintenant. 6322, débutez le message par facture. Puis vous laissez le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Et puis nous, on vous rappellera directement pour vous filer votre pognon. Vous mettez le montant de la facture et puis on vous remboursera peut-être votre facture au 6322. C'est 1 euro par message. Et semaine spéciale Destination Finale 5. On aura l'occasion de vous filer aussi tout à l'heure les packs Destination Finale 5. Voilà, ce sera tout à l'heure. On mettra ça peut-être dans je ne sais pas quel jeu encore. Peut-être le petit déj express ou peut-être la question qui colle ou peut-être je sais surprise. Pas. On verra. Oui, ce sera la surprise. Moi, j'en veux déjà bien un, moi, si possible. De quoi ? Un pack ? Un pack, ouais. Ouais, bah, tu joueras comme tout le monde. Ah, ce sera au 30-44. Hein, là aussi, il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis, nous avons qui maintenant pour la blague du jour hein. Comment sont drôles ? Nous avons Mehdi. Ah, Mehdi. Salut, Mehdi. Salut. Comment ça va ? Bien, et vous ? Bon, ça va bien, ouais. Je rappelle que tous les matins, la demi, c'est la blague du jour aussi par vous. Donc, si vous avez une bonne blague à envoyer, n'hésitez pas. 30-44, débutez par blague et vous mettez votre blague. Bon, Mehdi, tu es le premier. Attention, toute la pression repose sur toi. On t'écoute. Ben, c'est une Marocaine. Qui pas de blague raciste, hein. Si c'est drôle, ça va, mais pas raciste. Hein. Ah, Mehdi s'arrête du coup. Ah, bon, bah, du c'est coup, bon signe. Du coup, je la fais pas. Bon, quoi, ben, j'ai une autre. Hein. Bon, ah, alors, ben, vas-y, fais oui, une autre. C'est peut-être mieux. Fais une autre. Ben, c'est un gars qui voit un fou à l'échelle, qui a des livres. Et il lui demande qu'est-ce que tu fais. Et le gars, le fou, lui dit je passe le niveau supérieur. Ah ouais. Ouais. Ah. On aurait peut-être plus rigolé avec l'autre. Hein. À la radio, tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Et on fait un tour du côté des infos à 6h32 maintenant avec Julie, la malade. Faites gaffe aux microbes, on sait jamais. Salut à tous. La chute du colonel Muammar Kadhafi, dirigeant de Libye, est imminente. Les rebelles ont pris le contrôle de plusieurs quartiers de la capitale Tripoli. Ils ont arrêté un des fils de Kadhafi, Saif al-Islam, désigné comme son successeur et qui faisait l'objet d'un mandat international. L'OTAN et Barack Obama affirment que la fin du règne du tyran Kadhafi est proche. Cela fait 6 mois que le peuple se rebelle contre son dirigeants et en 24 heures, près de 1300 personnes ont perdu la vie. Journée décisive pour Dominique Strauss-Kahn. Toutes les charges seront abandonnées, selon le journal New York Post. Le procureur chargé de l'affaire Dominique Strauss-Kahn demandera ce soir au juge d'abandonner toutes les poursuites contre l'ancien patron du FMI en déposant une motion de recommandation. Dans cette motion, le procureur reprendra tous les détails de l'enquête menée depuis 4 mois et de nouveaux éléments pourraient émerger, mettant un peu plus en cause la crédibilité de Nafissatou Diallo, la victime présumée. Si tel est le cas, DSK pourrait être libéré et retourner en France immédiatement. Chez nous, le bilan du drame au festival Puckle Pop est revu à la baisse. 4 et non 5 personnes ont perdu la vie. Hier, une cérémonie a rendu hommage aux victimes de la tempête qui s'est abattue sur le festival jeudi dernier. Lorsqu'il est sorti de l'église, l'organisateur du festival, le député flamand Kokri Marazine, a été chaleureusement applaudi après la cérémonie. Une autre cérémonie d'hommage est prévue le jeudi 25 août à 18h dans le centre d'Asselt. Est-ce que quelqu'un peut l'achever ? Hein ? Je fais ce que je peux, vraiment. Un adolescent de 15 ans est décédé alors qu'il tentait de traverser à la nage un bras des lacs de l'Odeur. À quelques mètres du bord, le jeune garçon a été victime d'un malaise et n'a pas survécu. L'endroit où les jeunes ont plongé était interdit à la baignade. Une verviétoise a tenté d'empoisonner son fils de 13 ans. Cette mère de famille âgée de 35 ans, toxicomane, a tenté de mettre fin à ses jours en ingurgitant des médicaments. Elle a également fait prendre ces médicaments à son fils. L'enfant est toujours en observation à l'hôpital et la mère a été privée de liberté. Football, Zulte Waregem et le FC Bruges se sont séparés sur un nul, un partout. Anderlecht s'est fait accrocher par Mons 2-2, Standard a battu Courtrai 3-1. Et puis en cyclisme, c'est l'Australien Christophe Sutton qui a remporté la deuxième étape du Tour d'Espagne. Il est 6h34, bienvenue, c'est la météo. Il va faire doux aujourd'hui de 22 à 26 degrés, mais les nuages seront nombreux et un risque de pluie est possible. Par contre, cet après-midi, les éclaircies seront au rendez-vous. Demain, toujours des averses possibles et jusqu'à 27 degrés. Oui, tout à fait. C'est très difficile. Il est 6h35. Nous allons faire le fond plus, si c'est possible. Fun Radio. Allez. Et l'info en plus. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, le dernier maillot. Ouais, ça, là, ça. Je pense que tout le monde est au courant maintenant. Hein. Je crois que tout le monde l'aura bien compris. Oh, tu ne vois pas pourquoi vous dites. Mais je suis là, j'aurais peut-être pas dû en fait. C'est ça en fait, ouais. Le dernier maillot de Steven Defour, donc joueur du Standard, vaut déjà 2500 euros. Donc il a quitté le Standard pour aller à Porto et le maillot a été mis aux enchères à l'initiative du Standard. Et l'argent sera reversé en aide à la population de la Corne d'Afrique qui, comme tout le monde le sait, souffre d'une grave famine. Donc ça a été lancé le 16 août et les enchères continuent tant que chaque jour il y a une enchère au plus haut qui a été mise. D'accord, bah c'est le principal. Voilà, hein, c'est le principal. J'ai pas trop écouté l'info, j'étais focalisé sur ta voix. Merci. C'était très bien. Bienvenue sur Fun Radio. On va se mettre Club Rocker maintenant avec Ina, la radio des vieillards. Ça me paraît pas mal comme ça. She's moving like... Le son d'Ina à l'instant sur Fun Radio, c'était Club Rocker. Et puis c'est parti, hein, ça fuse hein, au niveau des vannes là. Ah, tiens, mort de rire, c'est le père Foura qui fait les infos. Mort de rire, c'est le jeune de Gré-d'Oiseau qui est arrivé au 30-44. Ou encore Marc Simpson travaille chez Fun maintenant. Je crois que je vais de l'entendre aux infos. Oui. Oh là là, je suis désolé, je fais vraiment ce que je peux. Mais Toff va me préparer un petit mais thé oui, apparemment. Je vais te faire un grog avec du rhum, tu vas voir, ça va te faire du bien. Oh, ah bah tiens, ouais. Ça va aller mieux. Ah bah ouais, non, vraiment, un grog, oui. Avec un grog pour le problème que t'as, oh oui, c'est non, parfait. C'est vrai, mais il faut juste que ma voix se réveille, en fait. Oui, ça va aller. C'est ça. J'y mettrai quelques effluves personnels. Ouais. Merci. Allez, debout là-dedans tout le monde, 6h39, bienvenue sur Fun Radio, Mickaël à la radio, on est là jusqu'à 9h30 avec les factures qu'on vous remboursera tout à l'heure. C'est sur facebook.com, pas du tout, c'est sur le 6322. Hein, débutez le message par facture, vous mettez le montant de la facture et l'objet de la facture, c'est 1€ par message. Et puis vous pouvez nous rejoindre également aussi sur mickaël.fm. Hein, il y a le Facebook du coup qui est connecté dessus, il y a les photos qui sont connectées dessus, il y a le podcast qui sera connecté dessus tout à l'heure ou demain maximum. Donc vous allez pouvoir écouter l'émission, tout ça, ça va être pratique, c'est sur mikl.fm, ce sera vachement plus pratique, vous verrez, pour discuter tous ensemble. D'ailleurs, on salue également ceux qui sont connectés ce matin, il y a Rios qui est dessus, enfin Tyson plutôt, il y a Virginie qui est là également, Laetitia également, il y a Yvan, je sais pas comment on dit, il y a Midi Digno aussi qui est là, bref, ça se passe donc sur mikl.fm. Bon, j'ai vu aussi que Madonna là était pas dans la galère, mais disons qu'elle était elle faisait quoi là, tu nous dis ? Elle organise un casting. Ah oui, c'est ça, elle va faire un casting géant. Toff, on sait jamais, tu peux peut-être avoir une chance. Mais attends, je suis son futur danseur. Mais écoute, peut-être. En tout cas, elle planche sur son nouvel album. Bon, ça, on le sait. Et d'ailleurs, il se murmure que Martin Solveig devrait y participer. Ah, puis David Guetta. Ah, bah écoute, c'est non. La dernière rumeur. Moi je suis au taquet. Hein. Bah, oui, bah, bien sûr. Pas de la voix, mais de les rumeurs. Non, non, la voix, ça c'est. Je pense qu'elle est restée dans mon lit. Oui, tout à fait. Bon, ok, je fais ce que je peux dire. Vraiment. Donc en tout cas, il y a déjà une tournée en 2012 qui est prévue, ça c'est sûr. Et donc elle recherche un nouveau danseur. Comment participer à ce casting géant ? Il faut aller sur YouTube en participant au projet Smirnoff Nightlife Exchange. Ah ouais, parce qu'elle a quand même pris des sponsors. Hein. Alors ce qui est assez grave, c'est que. Enfin, assez grave, ce qui est bizarre, c'est qu'elle a pris un sponsor quand même d'une marque d'alcool, puisque c'est la vodka Smirnoff. Bah même si ce qui est concerné le plus assez en ce moment, donc. Mais apparemment. Et puis il faut poster en tout cas donc sur ce projet une vidéo de 60 secondes. Donc c'est pour toi, Toff, en train de danser. Et peut-être que tu seras un nouveau danseur mais de Madonna. Qui sait. Mais peut-être. Merci Marc. Mais écoute, c'était avec plaisir. Oh, tu dois pas modifier ta voix, tu sais. T'inquiète pas, la puberté, c'est bientôt fini. C'est ça. Bon, dans un instant, on fait un tour du côté de ce qui se passe sur les routes. On aura aussi la ligne anti-relou. Et la question qui colle, ça arrive juste après ça sur Fun. C'est Mickaël à la radio, sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Bon, on fait un tour du côté de ce qui se passe sur les routes maintenant. Allez, 6h44, il se passe quoi sur la route, Julie ? Pour l'instant, ça roule assez bien. Je vous rappelle juste ces ralentissements possibles sur le ring de Bruxelles à hauteur du viaduc de Vilvoorde à cause des travaux, mais aussi entre Waterloo et Hoitre, et sur le 42 à l'approche du chantier d'Oudingouni. Très bien. Bon, dans un instant, on va payer vos factures aussi. 6322, débutez le message par facture. Vous débutez aussi par le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Et dans moins d'un quart d'heure, on vous les rembourse. 0473 86 0013. Yo, this is c'est le numéro de la ligne anti-relou. Vous le donnez et quand il appelle, on le passe à l'antenne. Exactement, c'est aussi simple que ça. Est-ce que Julie est tombée sur des relous ce week-end? Voilà, c'est un mariage, il y a des relous là, non? Non mais avec mon état, je suis pas sûr que quiconque voulait m'approcher. Oh, c'est pas sûr, tu sais, il suffit qu'un mec arrive et se dise oh, elle a l'air bien, bien naze. Je vais quand même tenter ma chance. Il y a peut-être moyen, oui, c'est ça. Oui. On sait jamais sur un malentendu. Mais écoute, dit... j'étais avec mon mec, donc pas trop, non, ouais, ça va. Et puis on dit que le sexe, ça aide à tuer les microbes. Paraît-il. Oui, bah écoute, j'ai essayé, ça ne marche pas. Ah donc t'as essayé, donc ça va. On sait que Julie avait passé à la casserole ce week-end, donc ça va. Donc c'est... Non mais c'est bien de savoir. Bah tu sais, elle est rentrée un peu éméchée, donc du coup elle s'est laissée faire. Ouais, c'est ça, il a dû être content. Merci, oh là là, vous êtes vraiment. Pourquoi je suis venue moi ce matin? Écoute, c'est la question parce que tu nous aimes. Mais oui, voilà, c'est ça, c'est l'amour fou qui fait ça. Ah, bon, ça. La ligne anti-relou, là aussi, c'est un amour fou que j'ai envers la ligne anti-relou, puisque vous êtes nombreux, de plus en plus nombreux, et ça fait plaisir à laisser vos messages sans le savoir, hein, au 0473 86 0013. Le numéro de la ligne anti-relou, et le concept est simple, donc c'est un numéro que vous devez connaître par cœur, les filles, même les mecs aussi, mais c'est vrai qu'en général, c'est plutôt les filles. Pour donner ce numéro que vous allez devoir donner à tous les mecs relous qui sont derrière vous, dans des bars, en soirée, en discothèque, chez les amis, au resto, etc., qui vous draguent, mais bon, voilà, il est bien gentil, hein, il essaye de vous draguer, ça fait toujours plaisir, mais bon, il y a un moment où il est un peu relou. Donc à la place de lui donner votre numéro, vous lui donnez le nôtre. Donc comme ça, lui, il va être content, il aura eu ce qu'il voulait. Et au final, il appellera chez nous, évidemment. Et nous, bien sûr, nous passerons les messages à l'antenne, comme maintenant. C'est parti, premier message de la ligne anti-relou ce matin. Ouais, c'est pas que c'était une heure qui part tort. Oula. Ça sort là, ton parking du Corat, ma gueule quoi. Et tu m'as dit, je viens avec mon mini-chip et tout là. Et faut pas se moquer d'un fan, hein. Oh. Hein, connard ça. Alors, il est très très agressif. Faut pas se moquer d'un sale, hein, connard. Ça ne m'étonne pas qu'il lui ait filé notre numéro. Oui, franchement. Bah c'est bizarre. Le mec, soit bien le genre de mec quoi. Ouais, il avait l'air un peu tendu quand même. Hein. Oh là là. T'imagines, tu me donnes ton numéro, hein? Eh, donne-moi ton numéro, connard. Ouais, bon, c'est vraiment ça, tu vois. C'est le genre de mec que tu croises et qui dit, oh, t'es bien bien joli, tu lui réponds pas et il t'insulte. Ouais, voilà. Eh, dis donc, t'as l'air joli, toi. Ouais. Eh, hey, connasse, je te fais un voilà. compliment là! Exactement! Exactement. Allez, deuxième message laissé sur la ligne anti-relou, on va voir s'il sera aussi romantique que le premier. Oui, on s'est vu tantôt. Et tu vas laisser ton numéro, mais quand je suis parti aux toilettes, et je suis revenu tout à l'heure. Donc, j'aimerais bien qu'on se voit. Allez, mon gueule là! Et voilà! Alors très très bonne technique, hein. Filer le numéro et partir en courant. Très ouais, bonne technique. Ouais, c'est pas mal, comme ça t'es tranquille, tu vois, le mec, t'es sûr qu'il n'y a pas de courir après. Ouais, ouais, ouais, j'espérais beaucoup plus. Ah ouais, mais c'est pas gagné. Hein. Allez, et dernier rencard maintenant avec la ligne anti-relou, c'est parti, le troisième et dernier message de ce matin. Oui, bonjour Martin. On s'est vu l'autre jour en soirée. Je t'ai trouvé très joli, on a parlé ensemble et tout. Et c'est très dur. Et voilà quoi, maintenant j'aimerais bien avoir plus d'affinité. Plus d'affinité. Jouer tous les deux. Jouer tous les deux. En plus, Martin. Allez, en plus, Martin. Voilà, c'était la ligne anti-relou. Hein. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Oui, c'est ça, parce que la ligne anti-relou, c'est pas toujours simple non plus. Hein. La ligne anti-relou qui reviendra tout à l'heure, hein, comme chaque matin, à 7h moins quart, 8h moins quart et 9h moins quart. Voilà. Bon, dans un instant, il y aura les packs aussi à vous filer. Destination finale. Peut-être que ce sera maintenant. Tiens, si vous avez la bonne réponse à la question qui colle, à combien de mètres est le record du monde de lancer de GSM qui n'a pas été battu ce week-end au championnat du monde? Donc voilà, combien de mètres est le record du monde du lancer de GSM qui n'a pas été battu ce week-end au championnat du monde? Ah, on peut vous donner un indice, le record de ce week-end, c'est 76 mètres. Et c'est moins bien que le record. Que le record. Du donc monde. C'est plus. Du monde. Record oui, du madame. Monde du lancer de GSM. Il y en a vraiment qui savent pas quoi faire de leur journée. Écoute, nous on l'a essayé plusieurs années de suite, on a chaque fois perdu. Mais on avait essayé. Hein. Bah, donc voilà. Bon, si vous avez la bonne réponse, 30-44, hein, c'est plus que 76 mètres, comme ça vous le savez. 30-44 avec la bonne réponse. Et au niveau du son maintenant, à 6h49, The Black Eyed Peas sur Fun Radio. Don't stop the party. Bonjour et bon réveil tout le monde. Bonne matinée tout le monde, 6h53 à l'instant avec les Black Eyed Peas, c'était Don't Stop the Party. Dans un instant il y aura le The Game aussi avec Chris Brown, ce sera Pot of Gold. Et puis vos messages qui arrivent au 3044. Et pour l'instant toujours pas de bonne réponse hein, à la question qui colle. À combien de mètres est le record du monde de lancer de GSM qui n'a pas été battu ce week-end au championnat du monde? Et donc petit indice, le meilleur score en tout cas ce week-end c'est 76 mètres. Et le record du monde a été établi en 2005, qui est de, j'avais dit, plus de 76 mètres forcément, et qui est moins de 100 mètres. Voilà, ça je vous donne un indice, hein, c'est pas mal déjà quand même. Hein. Donc voilà, c'est entre 76 et 100 mètres. Si vous avez la bonne réponse. Quand même, hein. Ouais, ouais, franchement, ouais. Si vous avez la bonne réponse, 3044, allez-y pour les bonnes réponses. Ou alors sur le groupe Facebook, vous allez sur mikl.fm, aussi simple que ça. Bon, Tof, on va appeler qui ce matin alors? Bah, j'ai décidé d'appeler des prisons ce matin. Ah, t'as envie de te faire incarcérer? Non, pas du tout. Mais tu sais, en ce moment, c'est un peu le festival de l'évasion. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, ouais. Mais en fait, voilà, tout le monde arrive à sortir de prison. Donc, du coup, je me suis dit, bah, c'est le moment de faire sortir mon pote Giovanni qui est en prison. Mais tu crois vraiment que ça va marcher en fait? Bah, attends, je leur épargne plein de soucis, pas de prise d'otage, pas de stress. Non, franchement, moi, je pense que c'est vachement mieux qu'on fasse ça oui. Tranquille. Oui, oui, c'est une façon de voir les choses. Heureusement que Tof est là pour sauver le monde. Mais bien sûr. Mais évidemment, ouais. Allez, d'ailleurs, c'est un peu comme Robin des Bois. Bah oui, voilà. Mais c'est voilà, notre c'est Robin ça. Des Bois à nous. Bon, bah on y va. Exactement, alors, je vais détrousser les riches. On appelle quelle prison? Je propose qu'on aille à Arlon. On n'est pas encore allé à Arlon. D'accord, non, c'est vrai. Bon, bah allons à Arlon alors, c'est parti. Pas sûr que ça marche. Pendant ce temps-là, Julie va souffler, va se moucher. Oh là là. Devinez ce que fait. La prison d'Arlon, bonjour. Ouais, allô, bonjour. Voilà, je vous appelle parce que bon, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'évasion en ce moment dans les prisons. Oui. Et en fait, bon, j'ai mon pote Giovanni, il est chez vous. Oui. Et bon, je me disais que peut-être on aurait pu le faire sortir, quoi. Ah bon, et pourquoi? Bah, comme ça, je me dis, il est à l'intérieur, il est pas bien. Alors, bon, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrange, quoi. Comme ça, bon, y a pas de, on s'énerve pas, on se prend pas la tête, vous le mettez à la porte, je le récupère, on n'en parle plus, quoi. Ah ouais, d'accord. Bah oui, un truc simple, quoi. Comme ça, vous. Ouais. Bah oui, non, c'est parce que oh, j'ai vu, bon, après, on peut faire des trucs spectaculaires avec des hélicoptères, des bazookas, des trucs, mais bon, voilà, c'est de l'argent, c'est dépensé pour rien. Ouais. Alors que bon, voilà, vous me livrez Giovanni, je vous file une petite enveloppe, et puis voilà, l'affaire est faite, quoi. Bah oui, pourquoi pas. C'est bah voilà. Bah ouais. Bon, comment on fait? Je vous retrouve à la sortie. Certainement pas, monsieur. Bah attendez, vous venez de me dire qu'on pouvait s'arranger. Ouais. Bon alors, bah vous me dites oui ou vous me dites non, mais il faut savoir un moment. Ouais, écoutez, monsieur, ça m'intéresse pas du tout, premièrement. Bah vous avez peut-être un collègue que ça intéresse, vous pourriez me passer. Ouais, bah il y a personne qui a ça intéresse ces histoires-là, ces magouilles-là, monsieur. Bah oui, mais attendez, après vous avez des évasions, il y a des bon, vous avez des collègues qui sont pris en otage, il y a des blessés, tout ça, c'est gênant. Ouais, c'est des risques de métier, on les accepte. Ah, pas de, vous comprenez, pas de sang, pas de stress. Ben, pas de problème, petite enveloppe, on n'en parle plus. Non, ouais. En plus, il y a tellement de détenus en ce moment, hein. C'est un de plus, un de moins, ça se verra pas. On en reste là, monsieur, ça va? Eh ben voilà, on va en rester là, effectivement, hein. On est resté quand même assez calme. On en reste là, monsieur, c'est terminé. Oui, c'est vrai qu'il est resté relativement ouais, calme. J'y ai cru pendant un moment, le mec dit ouais, d'accord. Moi aussi, mais vite fait alors. Hein. Mais en fait, non. Bon, ben, on essaiera d'appeler d'autres prisons tout à l'heure si vous avez des numéros à nous donner. 3044, allez-y. Ouais, et puis si la vous réponse avez des aussi. À faire sortir, redonnez-moi les noms aussi, et je vais essayer. À combien de mètres est le record du monde du lancer de GSM qui n'a pas été battu ce week-end au championnat du monde? Le record de ce week-end, c'est 76 mètres. Et le vrai record, c'est un peu moins de 100 mètres. On proposait 83. 3 mètres, c'est Stul, c'est Geoffrey, c'est plus. 83 mètres, c'est plus de Marianne. 95 mètres, c'est un chouïa moins. Voilà, hein, comme ça tu sais, Loredana. 30-44 pour les bonnes réponses. Et The Game maintenant sur Fun. Radio. Fun. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. The Game à l'instant avec Chris Brown sur Fun Radio, c'était Pot of Gold. Et nous avons notre ami Pascal, 44 années maintenant. Salut Pascal, 46 pardon, bon, je t'ai rajeuni. Comment ça va Pascal? Ça va bien. Eh ben tant mieux Pascal, sois le bienvenu. Ça y est, c'est la reprise du boulot là ou t'es déjà dedans depuis quelques jours? Ah non, on travaille depuis quelques jours déjà. Ouais. Ah ouais, tu fais quoi dans la vie Pascal? Fonctionnaire. Ah, ouh. Ah, quel beau métier. Oh non, mais c'est pas travailler ça, fonctionnaire. Ah non, parfois je me dis que je devrais être fonctionnaire. C'est ça, attends. Eh, tu sais que Julie, là, alias Marc Simpson, alias la mère Fouras, c'est-à-dire qu'elle bossera à l'RTBF, elle aura pris 6 mois de vacances là pour son petit problème de voix. Ah, ça, c'est sûr. 6 mois de vacances protégé par le syndicat, ah, oui, grève et report de grève, hein, parce que s'il y a eu des grèves pendant ses congés maladie, elle aurait pu reporter ses grèves plus tard. Hein. Oulala, attention, elle aurait été bien. Hein. Bon, Pascal, ah, ouais. Et t'es fonctionnaire dans quoi au juste? à Défense. À la Défense. Ah bah alors là, ils sont très très bien donc. À la Défense. C'est-à-dire qu'à la TPE, c'est des bosseurs à côté encore. Hein. Bon, Pascal, t'as la réponse. Mais oui, bah oui, t'as le temps évidemment de chercher des réponses. Parce que tu n'as rien à faire. Donc, à combien... Mais non, 4,1 en fait. Ouais, à combien de mètres est le record du monde lors de lancer le GSM qui n'a pas été battu ce week-end au championnat du monde justement? 94,97 mètres. Eh oui, 94,97 mètres. Tu es le seul à avoir donné la bonne réponse. On avait donné 94. Très précis. On avait donné 91 mètres de Guillaume de Tournai. On avait donné 82 mètres de Laure Edana. 4 mètres 90 de Adrien. Alors lui, par contre, il a répondu. Hein. J'avais dit que c'était plus de 76 mètres. Il a essayé donc, dans son jardin. Il n'a pas été plus loin de 4 mètres. C'était donc, son record. Ça peut pas être plus. C'est possible. Bon, en tout cas, bravo à toi, Pascal. Je te renvoie chez Toff au standard. D'accord? Ok. Salut à toi. Merci beaucoup. Ciao. Bonne journée. Et puis on revient dans un petit instant avec les infos sur Fun Radio. Mickaël, à la radio. Fun Radio. Sur Fun Radio, bonjour et bon réveil tout le monde. On paye vos factures dans 5 minutes. Si vous voulez vous inscrire, vous êtes encore les bienvenus, évidemment. 63-22, débutez le message par facture. Vous mettez le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Et peut-être que dans 5 minutes, on vous tirera au sort et on vous rappellera en direct sur Fun pour vous payer vos factures. Avant ça, on fait un tour du côté des infos dans 10 secondes. Allez, on est en retard, c'est parti, les infos avec la mère Fouras. Salut à tous, la chute du colonel Muammar Kadhafi, dirigeant de la Libye, est imminente. Les rebelles ont atteint le cœur de la capitale Tripoli. Ils ont arrêté un des fils de Kadhafi, Saif al-Islam, désigné comme son successeur et qui faisait l'objet d'un mandat international pour crimes contre l'humanité. L'OTAN et Barack Obama affirment que la fin du règne du tyran Kadhafi est proche. Cela fait 6 mois que le peuple se rebelle contre son dirigeant et en 24 heures, près de 1300 personnes ont perdu la vie. Journée décisive pour Dominique Strauss-Kahn. Selon le journal New York Post, toutes les charges seront abandonnées. Le procureur chargé de l'affaire DSK demandera au juge d'abandonner toutes les poursuites contre l'ancien patron du FMI en déposant une motion de recommandation. Dans cette motion, le procureur reprendra tous les détails de l'enquête menée depuis 4 mois et de nouveaux éléments pourraient émerger, mettant un peu plus en cause la crédibilité de la victime présumée. Si tel est le cas, Dominique Strauss-Kahn pourrait être libre de retourner en France immédiatement. Chez nous, le bilan du drame au festival Pokolpop est revu à la baisse et 4 et non 5 personnes ont perdu la vie. Hier, une cérémonie a rendu hommage aux victimes de la tempête qui s'est abattue sur le festival jeudi dernier. Lorsqu'il est sorti de l'église, l'organisateur du festival a été chaleureusement applaudi après la cérémonie. Une autre cérémonie d'hommage est prévue le jeudi 25 août, une semaine exactement après le drame dans le centre d'Asselt. Un adolescent de 15 ans est décédé alors qu'il tentait de traverser à la nage le barrage des lacs de l'Odor. À quelques mètres du bord, le jeune garçon a été victime d'un malaise et n'a pas survécu. L'endroit où les jeunes ont plongé était interdit à la baignade. Le feu à Serein a éteint Sclessin. Un violent incendie s'est déclaré dimanche, un peu après 22h30 à l'entreprise électrique ESB, provoquant des coupures de courant dans la région dont au standard. Cet incendie a provoqué une baisse et des coupures de courant dans les environs. Au standard notamment, la rencontre a été interrompue pendant une dizaine de minutes. Je vais y arriver. Ce qui n'a pas empêché les Liégeois de s'imposer. Donc les Liégeois se sont quand même imposés 3-1 face à Courtrai, tandis que Zulte Waregem et l'UFC Bruges se sont séparés sur un nul 1 partout. Anderlecht s'est fait accrocher par Mons et a terminé quand même 2-2. Et oui, et Julie a réussi à terminer les infos aussi, et ça, c'est assez exceptionnel. Faisons un tour du côté de la météo. Il fera assez doux aujourd'hui, de 22 à 26 degrés, mais les nuages seront nombreux et la pluie possible normalement cet après-midi. Les éclaircies seront au rendez-vous demain, toujours des averses possibles et jusqu'à 27 degrés. Et l'info en plus, elle arrive dans 30 secondes, restez bien là. Fun Radio. Fun Radio. 7h06 et l'info en plus, Julie. Alors des chercheurs se sont demandé pourquoi on était par exemple accro aux chips ou en tout cas tout ce qui était très gras. Donc des substances chimiques sécrétées par l'organisme produiraient une envie irrépressible de consommer des aliments très gras. Ces molécules déclencheraient, après avoir mangé de la nourriture grasse, un sentiment de bien-être similaire à celui de la drogue. Ah, c'est sympa ça. Donc bah voilà, à la place de vous droguer, bouffez les chips. Mais voilà, c'est et pour en plus ça. C'est moins cher. C'est pour ça que quand tu en manges un, tu vas quand même finir le paquet. Ouais, mais c'est ça, c'est horrible. C'est pareil. Voilà. Fast foutre, tout ça, mais c'est horrible. C'est pas de ta faute, c'est une molécule dans ton corps. Exactement, tout est fait exprès. Voilà. C'est dégueulasse. 7h07 sur Fun Radio. Bonjour, bon réveil tout le monde. Dans un instant, je paye vos factures. 6322, débutez le message par facture. Vous laissez le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture et je vous appelle peut-être juste après le son de DJ Abdel et Sopra maintenant sur Fun Radio. Bon, Abdel, bon, c'est Sopra. DJ Abdel, et oui, DJ Abdel et Soprano à l'instant sur Fun Radio à 7h10. Bon réveil tout le monde. Et la bonne nouvelle va peut-être tomber chez quelqu'un maintenant. On va lui payer sa facture cash car il ou elle s'est inscrite au 6322 en débutant le message par facture, en mettant le montant et l'objet. C'est parti. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Et oui, ça se passe ici, uniquement ici en direct sur Fun Radio, 7h11. On appelle maintenant chez quelqu'un. Si il ou elle décroche, c'est bingo. On va rembourser combien, Tof? 86 euros. D'accord, pour... Bonjour. Bonjour, c'est le répondeur, c'est dommage. Des vêtements. On va laisser un petit message. Pour des vêtements? Oui, c'est mis des fringues. 9. D'accord, ok, très bien. Bah écoute, attends une seconde, on va attendre qu'il donne le numéro de téléphone. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de shopping. 3, 4, tout t'as ça. Raté les sons. Pour message, ouais, ouais. Après le signal sonore. Pour terminer, il suffit de raccrocher. Au revoir et merci. Bip. Voilà. Bon, bonjour à toi. Je ne sais pas comment tu t'appelles, mais en tout cas, tu voulais qu'on te rembourse 86 euros pour des vêtements. Eh bien, sache que c'était à deux doigts. Mais vraiment à deux doigts. Hein. Mais je suis sûr que c'est quelqu'un qui devait dormir, qui a vu le numéro privé, qui a fait non, je décroche pas. Non, ça va être mon boulot, ça. Hein, qui laisse faire foutre le patron. Hein, qui laisse faire foutre le patron, il se débrouillera, il s'emboîte. Tiens, bah voilà. Et bah, tu t'en mordras les doigts toute la journée. Exactement. Ça, c'est sûr. Bon, bah ça s'est plié maintenant. Hein. Bon, bah les autres, si vous voulez qu'on vous rembourse vos factures, n'hésitez pas. Hein, 6322, débutez le message par facture. On appellera peut-être chez vous dans moins d'une heure. 6322, débutez par facture avec le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Ça vous coûtera 1 euro par message. Et puis, bah, on remettra le couvert d'ici quelques instants. On ira faire un tour du côté de l'horoscope également et puis le son de LMFAO qui arrive dans quelques secondes aussi sur Fun Radio. Il est 7h12. Bonjour et bon réveil tout le monde. Mickaël à la radio. Fun. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. LMFAO et Natalia Kills à l'instant, Champagne Showers sur Fun Radio, 7h17, bonjour et bon réveil. Dites-nous si vous reprenez le travail aujourd'hui, puisque bon, c'est la rentrée un petit peu partout là, 22 août normalement. En tout cas, si c'est pas aujourd'hui, ce sera la semaine prochaine, voir un petit peu comment ça se passe. Est-ce que vous êtes encore en vacances? Est-ce que vous avez déjà repris le travail? Est-ce que vous êtes sur la route? Si vous êtes sur la route, n'hésitez pas à nous le dire aussi, de manière à ce qu'on puisse savoir s'il y a des bouchons et de manière à ce qu'on puisse prévenir tout le monde. 30-44, bien évidemment. Bon, en attendant, on va voir si la journée sera bonne ou pas. C'est parti maintenant avec l'horoscope de Doudou. Fun Radio. L'horoscope. Et oui, alors est-ce que Doudou a passé un bon week-end? Oh mais oui, qu'est-ce qui s'est passé? D'où c'est venu toute cette chaleur? Ah oui, vous avez, vous avez vu, il fait beau en Belgique. Hein. Bah oui, moi, j'ai cru que j'avais été enlevé pendant la nuit. Oui, c'est vrai. Bon, autant que vous n'avez pas été enlevé pour l'horoscope, tout va bien. On va commencer avec les béliers, Doudou. Ah oui, une bonne idée vous promet de bonnes chances de gain. Vous allez nous faire une petite grille d'euros millions? Eh ben, il n'y a pas aujourd'hui, mais peut-être à l'auto spécial lundi, on va voir. Ah peut-être. Bah oui. Les taureaux. Ah, la réussite n'est qu'une question de temps. D'accord, les gémeaux. Passez cette soirée à vous détendre avec votre partenaire. Les cancers. Ça va grimper dans la case. Ah oui, probablement. Les cancers. Ça, c'est moi. Ce qui vous ferait du bien, c'est une alimentation équilibrée et de l'exercice au grand air. Ah bah tiens, merci. Ouais, c'est vrai que j'ai passé le week-end dans mon lit, donc ouais, ça ouais, va falloir aller couiller un peu. Hein. Ouais. D'accord. J'aurais peut-être bien un grog aussi en même temps, Dodo, mais bon. Les lions. Évitez les grosses dépenses, c'est la fin du mois, vous avez plus un rond. Ouais, c'est ça. Les vierges. Sautez du chouin-chouin quotidien et vous laissez libre cours à vos envies. Les balances. Ça va encore prendre un peu de temps avant que votre situation financière ne s'améliore. Allez, c'est bientôt le 30. Oui, enfin dans 8 jours quand même. Hein. Les scorpions. On est plus près de la fin que du début. C'est hein. vrai. Les scorpions. Courage, les étoiles sont favorables et vous réussissez plus de choses que vous ne le croyez. Les sagittaires. Une soif de pouvoir, pardon, pourrait déstabiliser l'harmonie de votre couple. Les capricornes. Les pensées négatives ne vous aideront pas. Soyez positifs. Reposez-vous. Oui, c'est ça. Les verseaux maintenant. Le temps passe à toute vitesse et vous avez du souci à vous faire pour ne pas réaliser tout ce que vous avez prévu. D'accord. Et enfin, les poissons. Ouvrez votre coque et savouez ses œufs exquises. D'accord, terminé, on vous retrouve dans une heure, Dodo. Hein. Mais oui, je serai encore là, ne vous inquiétez pas. Bon, très bien, parfait. L'horoscope revient en moins d'une heure, on paiera vos factures tout à l'heure. On aura la ligne anti-relou qui va débarquer dans un instant. Et sachez aussi que vous allez pouvoir gagner toute cette semaine dans l'émission entre 6h et 9h30. Les packs Destination Finale 5 pour vous inscrire. 63,22, c'est 1€ par message. Débutez le message par Destination et Destination Finale. Ça sort mercredi dans toutes les salles, donc soyez bien à l'écoute. Et au niveau du son, c'est Man, Snoop Dogg et Yaz maintenant de Max sur Fun. Cherchez pas sur les autres radios, ils sont encore devant la machine à café. Alors, restez ici. Mickaël, réveille la Belgique sur Fun Radio. 7h23 avec le son de Man et de Mac à l'instant. De Mac, c'est la reprise bien évidemment de Return of the Mac de Mark Morrison. Merci Julie de suivre. Bah, excuse-moi, moi je te vois comme ça me lancer des regards désespérés. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il me veut? Ben rien, je voulais savoir si t'allais suivre un petit peu cette émission une bonne fois ou pas. Bah attends, du tout, tu rigoles ou quoi? Tu sais que moi je suis les infos en même temps. Visible. Oh bah oui, c'est vrai, j'avais oublié, journaliste. Bah écoute. Oui, c'est vrai. Hein. Julie, alias ce matin, Marc Simpson, alias même la mère Fouras qui est avec nous donc et qui aura les infos d'ici 5 bonnes minutes. Voilà, dans quelques instants, on vous paiera vos factures également. Ce sera dans une demi-heure. Et puis un message qui dit reprend aujourd'hui, mais vous êtes là pour me donner le moral, c'est Véro. Bah, gros bisous à toi Véro et à tous ceux qui reprennent le boulot aujourd'hui. Et puis un autre message qui est arrivé au 30-44 qui dit je suis sur la route vers mon dernier jour de boulot, j'ai hâte, pas eu de vacances du tout, auto, boulot et très peu de dodo. Bah si t'as des vacances là maintenant, elles vont arriver. Donc au final c'est un peu comme tous les autres quoi. Voilà, donc reste calme, tout va bien. Bon, et mickaël.fm aussi pour balancer tous vos messages. Si vous le souhaitez, allez-y. Et puis ce matin, eh bien je voulais qu'on parle d'un nouveau site qui vient d'ouvrir. Et pour ça je reçois le père hypathéticienne. Bonjour. Bonjour mon fils. Oui, bonjour. Merci de recevoir l'humble serviteur que je suis. Oui, bon alors si vous êtes là c'est pour parler du site des les chrétiennes d'info. Oui, nous portons la bonne parole à toutes les femmes. Elles peuvent être ferventes catholiques et libérées au lit avec leur mari. Ah bon, mais alors vous vous rendez compte que c'est une position un peu radicale pour l'église quand même. Nous avons créé ce site pour dire aux femmes du monde entier, enflammez-vous pour votre époux et grandissez le Christ en même temps. Oui. Vous avez compris? Enflammer, grandir le Christ? Oui, pas besoin de précision, c'est bon, on a compris. Mais le plus important, c'est qu'elles n'oublient pas de remercier Dieu pour l'érection que leur donne leur mari. Oui, alors j'ai vu sur votre site que vous répondiez à toutes sortes de questions et j'ai été très surpris de la rubrique sexe anal. Mon fils, ne soyez pas choqués. Enfin, Julie, il est un peu quand même là pour l'instant, mais bon. Il n'y a pas de verset spécifique qui dise que le sexe anal entre les gens mariés est un péché. Dieu n'était donc pas contre cette pratique. Ah ben moi qui croyais que dans l'église on était coincés en fait, non hein. Mais non. C'est Toff qui va être content. Non, mais non, ça, c'est mon sûr, fils, hein. Venez à la messe, vous verrez comme je peux être libéré sous ma soutane. Non, c'est bon, j'ai déjà eu un bel aperçu sur votre site, ça ira. Hein. Oui, car nous avons décidé de donner les réponses à toutes les questions, comme l'hygiène ou la masturbation. Mais n'oubliez pas, toujours après le mariage, et avec votre mari légitime. Bien évidemment. Eh bien, merci, père hypathéticienne. Hein. Je suis sûr que vous venez de sauver la vie sexuelle de beaucoup de femmes sur votre site, donc christianinfo.org. C'est ça, hein? Je le répète, mon fils. Oui, bon, enfin bon. Je l'espère, pardon, mon fils. Ah oui, fils. D'accord, okay, mais je répète le site. Oui. Christianinfo.org. Bon, venez nombreuses et mariez-vous. Oui, c'est ça. Bon, allez, merci beaucoup. Hein. Je vais finir d'astiquer mes sièges. Non, ça va aller, merci. Ça va aller, le père. Merci beaucoup. Bon, dans un instant, les infos. Et avant cela, on se fait. On n'a pas la blague du jour. Bon, on n'a pas la blague du jour, mais c'est pas grave. On la fera juste après. Il n'y a pas de problème. Ne bougez pas. On revient en direct avec vous toutes et vous tous sur Fun Radio. Il est 7h27. Bonjour, bon réveil tout le monde. Mickaël à la radio. Oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. C'est 9 sur Fun Radio. Dans un instant, les infos avec Marc Simpson, évidemment, comme chaque matin, vous le savez. Je suis toujours là. Oui, oui, toujours. Toujours aussi malade. Toujours là, toujours aussi malade. Et nous avons d'abord la blague du jour avant de faire les infos un peu plus sérieuses, évidemment, un petit peu de rigolade est indispensable. Enfin, du coup, moi j'espère. On est là pour ça aussi. Hein. Ben, on est là pour ça aussi. Bon, 30-44 par SMS, hein, si vous avez des blagues. Hein, pour la blague du jour, ce sera tout à l'heure à 8h30. Nous avons qui pour la blague du jour maintenant? Nous avons Nicolas. Nicolas, salut Nico. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, super. Bon, t'as quel âge? Tu es dans quelle ville, Nico? Ben, moi, en fait, je suis de Boussu, donc c'est juste à côté de Mont, j'ai 22 ans. D'accord, ok. Oui, bon, ce qui a fait un nul face à Anderlecht hier soir, hein, pour ceux qui n'ont pas, qui ont pas suivi. Je sais pas si Marc Simpson l'avait annoncé dans les infos. Annoncé. Ah, voilà, c'est bien, c'est bien. Marc est toujours au top de l'info. Bon, alors, Nico, donc tu fais quoi dans la vie, toi? Ben, moi, je suis chauffeur poids lourd. Chauffeur poids lourd, donc t'es sur la route, là? Ouais, mais aujourd'hui j'ai congé, j'ai conduit ma copine à son examen. Ah ouais, donc chauffeur poids lourd peut-être. C'est méchant pour ta copine, c'est méchant. Oh là là. Bon alors, Nico, la blague du jour, on t'écoute. Ben, en fait, tu veux, c'est des homosexuels, ils sont dans un avion. Alors, il y en a un qui dit à l'autre, écoute, franchement, j'ai envie que tu me prennes là maintenant. Le secrétaire lui fait, non, écoute, ici dans un avion, on peut pas, c'est interdit. Alors on lui répond, bah, écoute, regarde. Et alors il se lève et il fait, c'est quelqu'un à bic. Alors tu vois la personne qui lui répond, il fait, tu vois, allez, tout le monde s'en fout, vas-y, prends-moi, prends-moi. Parce que pour finir, il le prend. À la fin, donc avion atterri, le steward demande comment ça s'est passé. Et alors il y a une petite vieille qui arrive et qui dit, bonjour. Ah, alors madame, ça s'est bien passé le voyage? Oui, très bien, mais bon, pendant la nuit, j'ai quand même eu un peu froid. Hein. Alors, c'est le steward qui lui dit, alors, bah, vous n'avez qu'à demander une couverture, hein. Je lui réponds, attends, il y en a qu'à mon avis qui a son bite dans le cul. Oh. Oh. Bonne chose de faite. Hein. Voilà, je voilà. Pense que c'est une très belle transition pour passer aux informations. Pas mal, très bien. Je vais essayer d'y aller. Allez, Marge, c'est parti. Salut à tous. La chute du colonel Muammar Kadhafi, dirigeant de la Libye, est imminente. Les rebelles ont atteint le cœur de la capitale Tripoli. Ils ont arrêté un des fils de Kadhafi, Saif al-Islam, désigné comme son successeur et qui faisait l'objet d'un mandat international pour crimes contre l'humanité. L'OTAN et Barack Obama affirment que la fin du règne du tyran Kadhafi est proche. Cela fait 6 mois que le peuple se rebelle contre son dirigeant et en 24 heures, près de 1300 personnes ont déjà perdu la vie. Journée décisive pour Dominique Strauss-Kahn. Selon le journal New York Post, toutes les charges seront abandonnées. Le procureur chargé de l'affaire DSK demandera au juge d'abandonner toutes les poursuites contre l'ancien patron du FMI en déposant une motion de recommandation. Dans cette motion, le procureur reprendra tous les détails de l'enquête menée depuis 4 mois et de nouveaux éléments pourrait émerger, mettant un peu plus en cause la crédibilité de la victime présumée. Si tel est le cas, Dominique Strauss-Kahn pourrait être libre de retourner en France immédiatement. Chez nous, le bilan du drame au festival Pokolpop est revu à la baisse. 4 et non 5 personnes ont perdu la vie. Hier, une cérémonie d'hommage aux victimes de la tempête qui s'est abattue sur le festival jeudi dernier a eu lieu. Lorsqu'il est sorti de l'église, l'organisateur du festival a été chaleureusement applaudi après la cérémonie. Une autre cérémonie d'hommage est prévue le jeudi 25 août, une semaine exactement après le drame, dans le centre d'Asselt. Un adolescent de 15 ans est décédé alors qu'il tentait de traverser à la nage un bras des lacs de l'Odor. À quelques mètres du bord, le jeune garçon a été victime d'un malaise et n'a pas survécu. L'endroit où les jeunes ont plongé était interdit à la baignade. Un violent incendie à Sorin a plongé une partie de la région dans le noir. Le feu s'est déclaré dimanche, peu après 22h30. À l'entreprise électrique ESB, provoquant des coupures de courant dans la région, dont au Standard. Cet incendie a provoqué une baisse et des coupures et une baisse du régime et des coupures de courant dans les environs. Au Standard de Liège notamment, le match contre Courtrai a été interrompu pendant une dizaine de minutes, ce qui n'a pas empêché les Liégeois de s'imposer 3-1 face à Courtrai, tandis que Zulte Waregem et l'UFC Bruges se sont séparés sur un nul, un partout. Anderlecht s'est fait accrocher par Mons, mais quand même 2-2 à la fin du match. C'était pas facile, hein, mais c'est normal, elle est malade. Ça va de mieux en mieux quand même. Hein. Oui, c'est, oui, oui, on s'en rend pas bien compte, mais non, ça va mais, bien. Oui, je sais. La météo maintenant. Il fera assez doux aujourd'hui, de 22 à 26 degrés, mais les nuages seront nombreux et un risque d'averse est possible. Mais normalement, cet après-midi, les éclaircies seront au rendez-vous. Demain, toujours des averses possibles et jusqu'à 27 degrés. Très bien, dans un instant, l'info en plus. Fun Radio. Fun Radio. 7h34 et l'info en plus avant d'écouter Mika avec elle me dit. Alors le dernier maillot de Defour au standard vaut déjà 2 500 euros. Ce maillot a été mis aux enchères par le standard. Bon, comme tout le monde le sait, Defour est parti à Porto continuer sa carrière footballistique. Et donc ce maillot a été mis aux enchères qui ont déjà atteint 2 500 euros. L'argent sera reversé à la population de la Corne de l'Afrique qui est victime de famine actuellement. Donc elle a été lancée le 16 août et les enchères atteignent 2 500 euros et ne s'arrêteront pas tant qu'il y aura toujours une enchère supérieure chaque jour. D'accord, mais ce qui est bien, ça part d'un très bon sentiment, mais je trouve que donner de l'oseille à des pays qui en ont besoin, ouais. 2500 euros, sachant que tu vois tout le pognon qui tombe dans le foot, c'est quand même, je me fous un peu de ta gueule quand même. Ouais, ça c'est sûr. Est-ce que c'est transpiration comprise? Oui, bah, si, il doit y avoir des odeurs à mon avis. Hein. L'info revient tout à l'heure, bien évidemment. C'est bien ce que je pensais. Entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Comme vous avez pu le remarquer, c'était pas un jingle qui était prévu. C'est voilà. Pas grave. 7h35, dans un instant, on va payer vos factures et on écoute Mika maintenant. C'est Elle me dit sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Le son de Mika à l'instant avec Elle me dit, ça fait un peu bizarre d'écouter et plutôt d'entendre Mika en français comme ça. Bah ouais. Toute sa chanson en français, mais c'est pas mal hein. Mais on reconnaît quand même vachement son style. Hein. Ouais ouais, heureusement quand même. Il y aura Cathy Hysterica tout à l'heure avec Electric Violin. Et puis bah vous en direct, si vous voulez parler avec nous, n'hésitez pas. 3044 par SMS. On paiera vos factures aussi tout à l'heure au 6322 en débutant le message par facture évidemment, en mettant l'objet de la facture et le montant de la facture, c'est 1€ par message. Et dans moins d'une demi-heure. Est-ce que la facture de ma pharmacie, je peux la filer à Fun Radio? Oui, tu pourrais, mais il vaut mieux la filer à ta mutuelle. Tant qu'à faire. Okay. Elle remboursera aussi, donc. Hein. Bon, on va réveiller la Belgique maintenant, puisque tous les matins, j'ai décidé qu'il fallait qu'on réveille la Belgique. Et pour ça, j'ai évidemment besoin de vous, puisque c'est vous qui allez faire le boulot pour repartir avec des cadeaux. Et qui est avec nous aujourd'hui? Bonjour. Bonjour. Salut, comment tu t'appelles? Arnaud. Arnaud, sois le bienvenu Arnaud. Alors j'explique le principe, donc vous allez sonner chez des gens ou alors réveiller les parents, la sœur, la copine qui dort dans la chambre à côté peut-être. Et quand ils ouvrent ou quand ils se réveillent, en fait vous allez crier Mickaël réveille la Belgique tous les matins sur Fun Radio. Tout simplement, à savoir que si vous réveillez papa, maman, le frère, la sœur, n'importe qui, vous pouvez vous faire aider d'un seau d'eau, d'un verre d'eau, enfin quelque chose quoi. Que le réveil soit vraiment agréable. Oui voilà, agressif même. Tu veux réveiller qui dans un instant toi? Il sait pas encore. Ah. On va dire ma soeur, ouais. On va dire ta soeur, allez. Alors, tu as compris le concept, hein, il donc tu dois. Avec son frère, sa soeur, puis c'est dit ma soeur, c'est moins violent. Alors, le concept, donc tu dois rentrer effectivement dans la chambre et gueuler. Donc, Mickaël réveille la Belgique tous les matins sur Fun Radio. Et alors, donc, soit après, tu peux mettre un seau d'eau en plus ou un verre d'eau. Ça, c'est libre à toi. Le minimum syndical, c'est de crier ça et après, on attend sa réponse. Ok. Allez. T'y vas, c'est parti. Je coupe un peu la musique pour bien entendre. Entrer dans la chambre. Eh oui, t'as oublié la moitié là. T'as oublié de dire sur quelle radio? Ah bah, elle s'est rendormie direct. Non, mais c'est une vanne, tu t'as fait ça tout seul, elle a même pas réagi. Non, ça je ne peux pas valider, on a rien entendu, il manquait la moitié. On veut des cris, on veut un réveil douloureux. Ah oui, là malheureusement on ne peut pas valider ça. Je ne sais pas ce que les auditeurs en pensent, si vous voulez donner votre avis sur le sont d'accord avec moi. Ouais, sur mickaël.fm sur le Facebook donc ou alors sur le SMS au 3044, mais c'était un peu ledge quand même. Non, on peut pas. Et peut-être que s'il recommence plus fort, tu vois. Ouais, non, mais non, on a droit qu'à un essai, ça, sinon on va y passer la nuit. Non, mais c'est pas grave. On remettra le couvert demain. En tout cas, merci quand même d'avoir tenté l'affaire. Mais c'est pas grave. Demain est un autre jour. Demain, ça ira mieux. Ne bougez pas dans un instant. On fait un tour du côté de ce qui se passe sur les routes et on fera un tour aussi du côté de la ligne en Tirol. Ouf, ne bougez pas, ça arrive. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Et c'est parti. Oh là, dis donc, alors tu m'as contaminé là. Tu m'as contaminé, ça Julie. Ça y est. Oui, Omer, elle est avec nous maintenant. Hein. Omer et Marge, tous les matins sur Fun. Allez, on fait un tour du côté de ce qui se passe sur les routes. Que se passe-t-il sur la route? Alors, soyez prudents. Il y a un accident sur le 313 Anvers. Tu fais beaucoup moins la maline là. Oui, oui. Voilà, voilà. Accident donc sur le 313 Anvers. Asselt, à hauteur de Böhringen. C'est donc en direction d'Asselt. C'est la bande de gauche qui est obstruée. Et il y a déjà des fils à cet endroit. D'accord. Donc, faites gaffe si vous êtes sur la route. Si vous captez un petit radar aussi là, n'hésitez pas à venir nous en en parler, hein, 30-44. Ouais, qu'on puisse passer à l'antenne et prévenir tout le monde. Et ça y est, hein, c'est la douche hein, sur Bruxelles. Hein. Si vous n'êtes pas lavé, prenez un petit peu de savon, hein, ça fera double effet comme ça. C'est donc plutôt bien pratique. Ce que j'avais annoncé. Hein. C'est vrai. Voilà. 0473-86-0013. Yo! C'est le numéro de la ligne anti-relou. Vous le donnez et quand il appelle, on le passe à l'antenne. En toute simplicité, et c'est comme ça tous les matins à 7h-10, 8h-10 et 9h-10. La ligne anti-relou sur Fun Radio, les messages que nous avons sortis, extraits du répondeur, le 0473-86-0013. Et Julie a déjà d'ailleurs utilisé ce numéro avec Toff. Ah oui, à plusieurs reprises. Sûr, ouais. Oui, elle arrête pas de me le donner. Mais à chaque fois, il l'accepte et il essaye. Ben, il essaye, c'est ça. Julie, dis que t'es bon. Connard, tu pourras me répondre, hein. Bon, allez, on va écouter le premier message maintenant laissé sur la ligne anti-relou. C'était probablement ce week-end. Une fille, comme beaucoup d'autres, a dû certainement donner ce numéro à un relou et voici le résultat. Ouais, c'est pas que c'est une heure qui part tort. Je t'en sors là, ton parking du Cora, ma gueule, quoi. Tu m'as dit, je viens là, je viens avec mon mini-shop et tout là. Faut pas se moquer d'Arsane, pas ça. Hein. Ah non. Connard, ça. Faut pas se moquer d'Arsane. Ah ça, non, il faut pas se moquer d'Arsane. Connard, ça va. Bon, voilà, deuxième message sur les anti-relous, c'est parti. Oui, on s'est vu tantôt. Et tu vas laisser ton numéro, mais quand je suis parti aux toilettes, je suis revenu tout à l'heure. J'aimerais bien qu'on se voit. Allez, mon gueule! Et voilà, j'espère qu'il y a beaucoup plus. Oh, ça donne envie de tomber dans cette famille. Hein. Non, mais c'est surtout que le mec, il est encore bourré de la soirée. Il appelle juste en sortant de la boîte avec ses potes derrière. Ouais, bon gars, je suis en train d'appeler la meuf là. Hein, allez. En gros, c'était un petit peu ça. Un peu comme la soirée de mariage de Julie ce week-end, quoi. Non, pas du tout. C'est comme ça que malade ça s'est terminé. Comme je suis, mais attends, mais personne n'ose m'approcher. Tu m'étonnes, chaîne garde. Allez, le dernier message de la ligne anti-relou, c'est parti. Oui, bonjour, Martin. On s'est vu l'autre jour, là, en soirée. Là. Je t'ai trouvé très jolie. On a parlé ensemble et tout. Et voilà, quoi. Maintenant, j'aimerais bien avoir plus d'affinités. Et si ça tombe, jouer tous les deux. En plus, Martin. Ah, et en plus, Martin. Tiens, il y a un message qui est arrivé au 3044 aussi qui dit beaucoup de bidons quand même. Oui, bah après, on a tellement d'appels qu'on n'a pas besoin d'en faire, nous, des bidons pour le goût. Ah non, ça c'est sûr. Mais après, c'est peut-être des gens qui veulent jouer et qui ont pris le numéro et qui veulent se marrer, mais oh, bon. Oh, je sais pas, tu sais le. Faut voir, parce que le relou, franchement, ouais, le relou ça. Est le parfois relou est très relou. Hein. On se rend pas compte à quel point le relou est relou. Ouais. Ouais, même nous, parfois, avec toi, on se dit, bon, celui-là, ça doit être un bidon. Puis on se dit, bah, peut-être pas en fait. Hein. Non, là, il y a. En ce moment, il y a un mec, je peux pas le mettre parce qu'en fait, il laisse toujours son numéro, son adresse email, son MSN et tout. Le mec, il appelle tous les jours. Il est persuadé que c'est le bon numéro. Ah ouais, quoi. Il y croit quoi. Je n'arrive pas à te joindre. Le plus simple, c'est qu'on se contacte sur MSN. Voilà mon adresse. MSN, qu'est-ce que c'est que ça? Sur MSN. Ça existe encore. Mais oui. Bon, on va refaire un tour du côté de la ligne anti-relou. Ce sera tout à l'heure. Et puis la question qui colle maintenant. Combien pèsent les deux jambes de Mandy Sellars? Voilà, bon, Mandy Sellars, on s'en fout, ça aurait pu être Thérèse, le Duc, tout le monde s'en fout, hein. Mais bon, ouais, là, mais gros, Thérèse, le Duc n'a pas les jambes aussi lourdes. C'est vrai, donc à votre avis, combien pèsent les deux jambes de Mandy Sellars? Si vous avez la bonne réponse, il y aura des cadeaux pour vous. 30-44 pour vous inscrire, allez-y. Et puis, combien pèsent les deux jambes de Mandy Sellars? Voilà, bonne réponse qui arrive, allez-y. Il y a un message qui est arrivé qui dit, même malade, je veux bien approcher Julie. T'es vraiment un fou dans ta tête. Allez, 7h50, c'est Cathy Hysterica qu'on écoute maintenant. C'est comme Katy Perry, mais c'est Hysterica. Avec Electric Violin sur Fun Radio. Et juste après, on essaiera de rappeler encore des prisons et tof. Cathy Hysterica à l'instant sur Fun Radio, qu'on devrait recevoir d'ailleurs dans l'émission bientôt, Cathy Hysterica. Depuis le temps que tu le dis, moi j'y crois plus. Ouais, mais j'attends juste des nouvelles de Tom Snare. Voilà. C'est quoi le rapport? Bah, c'est lui qui s'occupe de Cathy Hysterica. C'est un grand DJ, Tom Snare. Non, mais justement, c'est pour ça que je. Ah oui, mais c'est lui qui s'occupe de Cathy Hysterica. Donc j'attends, je négocie, mais ça devrait venir. Ce sera le plus beau jour de ma vie. Oh, bah alors. Après, bonasse comme elle est, je peux t'assurer que je viendrai en costard. Ouais. En plus, comme chaque matin, quoi. Ah oui, c'est ça, bien sûr, ouais. Vivement la webcam. Hein. C'est faux. Je suis toujours bien habillé, classe. Oui, mais alors, si ce t-shirt t'appelle ça un costard, je crois qu'on n'a pas tout à fait les mêmes références. Bon, c'est pas un costard, mais bon, pas loin quoi. Oh, ouais. Oui, oui, c'est ça, pas loin. Oui. Ça j'attends va. Avec impatience la webcam. Mais oui, ça fait ressortir mes beaux muscles. Oui, ça aussi, j'attends avec impatience la webcam pour prouver aux auditeurs les beaux muscles. T'as vu comment elle est? T'as vu comment elle est? Que nous sommes bâtis comme des athlètes russes. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Mais oui, mais c'est exactement ça d'ailleurs. Ah oui, je suis entouré de beaux gosses. C'est totalement vrai, mais oui, mais tu sais, tu n'imagines pas le rêve de toutes les filles là qui voudraient être comme toi, entourées de beaux gosses comme ça. Bah, attends, mais c'est pour ça que je me suis levée ce matin. Malgré la maladie, malgré la grippe, je suis là parce que je suis entouré de beaux gosses. Mais tu fais bien, tu fais bien. Mais oui. Bon, allez, ce matin, on appelle des prisons parce que Top veut faire sortir son ami Giovanni. On a appelé tout à l'heure à Arlon, ça s'est plutôt mal passé. Ouais, non, mais en fait, moi, j'ai remarqué que bientôt, ce sera plus facile de sortir de prison que de rentrer en boîte en Belgique. Non, hein. Exagère pas non plus. Non, mais enfin, on n'en est pas loin quand même. On est à une évasion par semaine en ce moment. Oui, c'est vrai, c'est pas mal. C'est donc, les gens ont trop vu Prison Break. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant ils se font tous tatouer les plans des prisons. Exactement. Ça sert à rien, suffit de demander. Bon, on appelle où maintenant? Bah, je propose qu'on aille à côté de la radio, qu'on aille à la prison de Forêt. Ah, bah oui, tiens, prison de Forêt, c'est parti. On appelle maintenant pour voir si c'est possible de faire sortir Giovanni de prison, le pote de Toff. Allez hop, c'est parti. Et puis le rappel de la question qui colle après aussi. Prison de Forêt. Oui, bonjour madame. Bonjour. Oui, voilà, je vous appelle au sujet des évasions qu'il y a en ce moment. Des évasions qu'il y a en ce moment? Bah oui, vous n'avez pas lu la presse. C'est-à-dire que toutes les semaines, il y en a un nouveau qui s'en va. Bah il paraît, hein. Bah voilà. Et en fait, moi, je vous appelais parce que j'ai mon pote Giovanni qui est chez vous, hein, ouais. qui a été incarcéré à tort pour un vol qu'il n'a pas commis. Et donc, en fait, je voulais savoir si on pouvait s'arranger, quoi. Bon, écoutez, monsieur, sérieusement parlant, je suis désolée, mais comme c'est pour un ami, je ne peux pas vous donner ces renseignements. Comment ça se fait? Vous êtes déjà venu le visiter, peut-être? Bah oui, oui, oui. Bah, ah, oui. Ah, bah attendez, alors, on va faire autrement. Ah, dites-moi. Attendez, hein, permission de visite, voilà, donnez-moi votre nom. Bah non. Ah bah, si? Bah non, si je vous donne mon nom après, c'est non, moi je veux que ça reste un peu anonyme, quoi. Vous voyez, vous me dites où je vous laisse l'enveloppe et puis vous me faites sortir. Ah, vous me faites rire, vous êtes super sympa, c'est bien. Et écoutez, moi, vous savez, madame. Moi, je suis de la vieille génération, vous savez, si on peut rendre service, moi, je préfère, quoi. Et puis, en plus, avec le nombre de détenus, en plus, je suis sûr chez vous, c'est surpeuplé, il y a pas de place, alors un de moins, ça vous ferait gagner de la place. Oui, ben, c'est bien gentil, tout ça. Non, mais c'est pour éviter, après, regardez, il y a des prises d'otages, il y a des gens blessés. Oui, bien sûr, mais vous savez, moi, je suis à quelques années de ma pension, je suis plus près de ma pension qu'autre chose. Bah, justement, ça vous dirait pas un petit pactole pour arrondir votre petite retraite? Un petit pactole, il faudrait déjà qu'il soit très gros, monsieur. Bah, à partir parce de quoi? Parce que j'ai bien l'idée de vivre centenaire, donc il me faudrait quand même quelque chose de gros. Hein. Oui, je comprends. Bon, bah, à combien de zéros on s'arrange? Vous me faites vraiment rire, monsieur. Écoutez, vous savez ce qu'on dit, hein, sur les hommes qui font rire les femmes. Si vous voulez, une fois que l'affaire sera faite, on se reverra. Oui. Allez, je vous souhaite une bonne journée, monsieur. Ah, elle était pas totalement fermée quand même. Attends, elle était géniale. Elle était pas mal. Par contre, c'est bien parce qu'elle veut. Elle était quand même ouverte. On dit, oh, tu sais, si le paquet est beau, hein, s'il y a un beau oui, magot. Ça, par contre, ouais, elle a quand même précisé gros pactole, il y a moyen. C'est négociable. Bon, on rappellera encore une autre prison tout à l'heure. On paiera vos factures aussi dans moins de 10 minutes. 63-22, débutez le message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture pour qu'on puisse vous appeler tout à l'heure afin de vous filer l'oseille de la facture. C'est 1 € par message. Et puis la question aussi qu'on a posé tout à l'heure là, que je vais répéter maintenant, combien pèsent les deux jambes de Mandy Sellars? Voilà, message qui proposait 12 kilos, c'est Marianne. Non, c'est beaucoup plus. C'est quasiment le poids d'une bah, femme. C'est le poids du lit? Je sais pas. Alors attends, tu me fais peur. attends, tu pèses combien? 57. C'est plus que le poids de Julie. Les deux jambes, c'est plus que le poids de Julie. Voilà, comme ça vous savez tout. Allez, on se fait péter la parodie qui avait été demandée sur le Facebook tout à l'heure. Pour nous rejoindre sur le Facebook, vous allez sur mikl.fm. C'est aussi simple que ça. Vous aurez d'ailleurs toutes les infos du morning. Et ben, on se fait péter justement le titre, c'est le morning maintenant sur Fun. J'aimerais trop dès le réveil m'occuper du morning. Ouais, j'aimerais trop. Tu sais bien que le matin pour toi c'est pas l'heure. J'aimerais trop dès le réveil m'occuper du morning. Oui, j'aimerais trop qu'au réveil tu entends que je suis là. Ouais, mais j'aimerais trop le matin m'éclater dans le morning. Oui, j'aimerais trop le faire, mais le boss ne veut pas. Le boss ne veut pas, non, non. Le boss ne veut pas, non, non. Le boss ne veut pas, non, non. Le boss ne veut pas. Le boss ne veut pas, non, non. Le boss ne veut pas, non, non. Le boss ne veut pas, non, non. Le boss ne veut pas. Je t'emmène. Voilà à l'instant la parodie de l'émission avec le son de Kinvé. C'était Sébastien Loeb et moi-même. Sébastien Loeb qui sera là d'ici 20 minutes pour faire la déclaration express. Comme chaque matin, vous avez la possibilité de faire une déclaration d'amour ou de rupture. Ça marche aussi. À votre copain, votre copine, à quelqu'un que vous avez dans le collimateur mais vous n'osez pas lui dire. Eh ben, c'est pas grave, on est là pour ça, rassurez-vous. 3044, débutez le message par déclaration. Vous l'avez été. Personne n'a donné la bonne réponse à la question que j'ai posée tout à l'heure, c'est-à-dire combien pèsent les jambes, les deux jambes de Mandy Sellers, enfin pesées en l'occurrence, puisqu'elle s'est fait amputer en janvier 2010. Elle pesait 63 kilos. Ah, en fait, ça, elle souffrait d'une maladie, la même que Elephant Man, en fait. Elle a toute la partie inférieure du corps, en fait, qui grossissait, etc. Donc, du coup, bah voilà, elle s'est fait amputer Mandy Sellers. Et donc, du coup, maintenant, elle a une vie plus normal qu'avant, quoi, on va dire. C'est-à-dire qu'elle peut faire plein de trucs qu'elle ne pouvait pas faire avant, vu qu'elle était sur lourde à cause de ses jambes. Et en voilà. Fait, le haut de son corps était normal, c'était juste les jambes. Ouais. Bizarre, hein. Et donc, il y a plein de réponses sans rêver. 60 kilos, 12 kilos, 69 kilos. Bah, c'était 63. Bon, bah, tant pis, hein. On remettra tout à l'heure encore un coup de questions qui collent et on va faire les infos dans moins d'une minute. C'est Mickaël à la radio, sur Fun Radio. Il est 8h. Presque 9h, les infos maintenant avec Julie. Salut à tous, la chute du colonel Muammar Kadhafi, dirigeant de la Libye, est imminente. Les rebelles ont atteint le cœur de la capitale Tripoli. Ils ont arrêté un des fils de Kadhafi, Saif al-Islam, désigné comme son successeur et qui faisait l'objet d'un mandat international pour crimes contre l'humanité. L'OTAN et Barack Obama affirment que la fin du règne du tyran Kadhafi est proche. Cela fait 6 mois que le peuple se rebelle contre son dirigeant. et en 24 heures, près de 1300 personnes ont perdu la vie. Journée décisive pour Dominique Strauss-Kahn. Selon le journal New York Post, toutes les charges seront abandonnées contre lui. Le procureur chargé de l'affaire DSK demandera aujourd'hui au juge d'abandonner toutes les poursuites contre l'ancien patron du FMI en déposant une motion de recommandation de rejet. Dans cette motion, le procureur reprendra tous les détails de l'enquête menée depuis 4 mois et de nouveaux éléments pourraient émerger, mettant un peu plus en cause la crédibilité de Nafissatou Diallo, la victime présumée. Et si tel est le cas, Dominique Strauss-Kahn pourrait être libre de retourner en France demain. Chez nous, le bilan du drame au festival Pukkelpop est revu à la baisse. 4 et non 5 personnes ont perdu la vie. Hier, une cérémonie a rendu hommage aux victimes de la tempête qui s'est abattue sur le festival jeudi dernier. Lorsqu'il est sorti de l'église, l'organisateur du festival a été chaleureusement applaudi. Une autre cérémonie d'hommage est prévue le jeudi 25 août, une semaine exactement après le drame dans le centre d'Asselt. Un adolescent de 15 ans est décédé alors qu'il tentait de traverser à la nage un bras des lacs de l'Odor. À quelques mètres du bord, le jeune garçon a été victime d'un malaise et n'a pas survécu. L'endroit où les jeunes ont plongé était interdit à la baignade. Un violent incendie à Seraing a plongé une partie de la région dans le noir. Le feu s'est déclaré hier, peu après 22h30, à l'entreprise électrique ESB. Et cet incendie a provoqué une baisse et des coupures de courant dans les environs. Au Standard de Liège notamment, le match contre Courtrai a été interrompu pendant une dizaine de minutes, ce qui n'a pas empêché les Liégeois de s'imposer 3-1 face à Courtrai. Pour la suite des résultats, Zulte Waregem et le FC Bruges se sont séparés sur un nul, un partout. Anderlecht s'est fait accrocher par Mons et a quand même réussi à sauver la mise de partout. On fait un tour du côté de la météo maintenant avec Marge. Il fera doux de 22 à 26 degrés aujourd'hui, mais les nuages seront nombreux. Une bande de pluie traversera le pays. Normalement, cet après-midi, les éclaircies seront au rendez-vous. Demain, toujours des averses possibles et jusqu'à 27 degrés. Il y a un message qui dit « Elle est mignonne, Julie, avec le nez bouché. Bisous à elle, c'est Pierre. » Oh, merci. Elle ne s'appelle pas Julie, elle s'appelle Marge Himsel ou la mère Fouras aujourd'hui. Fun Radio. Fun Radio. Et c'est parti maintenant pour l'info en plus à 8h07. Alors je sais pas vous, mais moi en général quand je commence un paquet de chips, je le termine jusqu'au bout. Oui, ça se voit. Et on est... Oh là là, ça pas du tout déjà. Pff, alors là, vraiment, oh, je suis fier de ma vanne là. Et il faut savoir qu'elle sniffe les miettes à la fin. C'est pour ça que j'ai le nez bouché, oh bien là sûr. Là. Je pense que je... Bah voilà, j'ai tout donné, mais non, c'est fini pour la saison. Je crois que c'est terminé. Là, la vanne, elle est passée. Énorme, c'est le cas de le dire. Ouais. Donc, on se demande... Des chercheurs se sont demandé pourquoi on était accro au crasse, comme on les appelle communément. Et bien apparemment des substances chimiques sécrétées par l'organisme produiraient une envie irrésistible de consommer des aliments très gras. Ces molécules déclencheraient, après avoir mangé de la nourriture grasse, un sentiment de bien-être similaire à celui d'une drogue. C'est pour ça que quand on commence un paquet de chips, on le finit de toute façon. Voilà, et évidemment Julie sait de quoi elle parle, puisque effectivement ça lui arrive, comme à tout le monde d'ailleurs. Ah ben évidemment. En général, les paquets de chips, tu les démarres et puis après c'est foutu quoi. Oh, ah là, ça c'est sûr. Ah ouais, c'est une angoisse totale. Une frite, tout n'importe quoi. Enfin, ouais. Ça, en général, c'est toujours, tu vas avec des potes dans une friterie, tu prends un paquet. Non. Et puis il va piquer celle des autres. Ouais, c'est ça. Allez, file-moi une. Ah, et voilà. Puis une fois que t'as pris la première, t'es foutu. Ah, ça c'est clair. T'es foutu, tu dois l'acheter. Hein. C'est tombé dans le piège. Ah ouais. Bon, là on est en retard, hein, c'est pas grave, on va payer vos factures maintenant. Ça me paraît un bon deal, ça. Allez hop là. Mais oui, c'est comme ça, je paye vos factures chaque matin sur Fun Radio à 8h10, 6h, 7h10, 8h10 et 9h10. Pour vous inscrire, 63-22, débutez le message par facture, avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Il y a un message qui dit facture nouvelle voiture. Comment vous expliquer? Ouf. Non, mais on n'ira pas jusque-là. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Jérôme. Salut Jérôme, c'est Mickaël, tu es en direct à la radio sur Fun Radio. Je t'appelle pour te payer ta facture, Jérôme. Ah ben c'est génial ça. Quel est le montant de la facture que tu nous as envoyé? C'est 46 euros d'écouter, mais je ne saurais pas te dire exactement parce que je suis pas chez moi donc. Ouais, c'est pas grave. On n'est pas au centime près. Non mais ouais, mais bien sûr. Et c'est pourquoi les 46 euros? Ah, c'est une facture pour mon GSM en fait, je ne citerai pas la marque. D'accord, ouais, enfin le réseau quoi, facture téléphone quoi, d'accord, ok. Bon, ouais, voilà. Coûte 46 euros, on va te payer ça, il n'y a pas de problème. Et puis, pas de soucis, hein, c'est pour toi les 46 boules. Ok, je vais te les présenter, merci. Il n'y a pas de problème, t'es dans quelle région? Moi j'habite Charleroi, mais là pour le moment je travaille, je suis sur la région de Liège. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Bon, salut les Liégeois, les Carolos, alors il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de soucis, salut Jérôme, à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Salut, bye bye. Et puis pour les autres, si vous voulez gagner, il y a encore un rencard tout à l'heure, ce sera à 8h10. Bah, suffit de vous inscrire. 6322, débutez le message par facture. Vous laissez l'objet de la facture, le montant de la facture, c'est 1€ par message. Et si on vous appelle, on vous file votre facture. Plutôt sympa quand même. On en est trop bon. Oui, bah, je trouve aussi. Bon, dans un instant, c'est Sean Paul qui arrive avec Alexis Jordan. Ce sera Got to Love You et on aura l'horoscope avec Doudou. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. Non, mais c'est la lue, ça y est, je suis en train de me faire engueuler là. Faut le savoir quand même, hein. Non, mais c'est dingue, je suis en train de me faire engueuler là. Non, mais que pour que j'explique à tout le monde. Mickaël est en train de nous expliquer, oh là là, je vais être en avance. Et moi je lui dis, bah écoute, c'est bien quand même, parce que les infos, il y a juste pas très longtemps, on les a fait à 8h04. Oui, oh bah ça va, je suis en train de me faire engueuler. Alors, non, mais c'est dingue. C'est incroyable. C'est alors autant je dis jamais rien, et là encore, je ne dis rien, parce que c'est pas très grave. Parce que de toute façon, t'as pas assez de voix pour terminer l'émission. Ouais, donc... mais ne te plains pas si on a un peu d'avance sur le c'est programme. C'est dingue. T'as vu comment elle est top? C'est-à-dire qu'il y a une semaine, on a commencé l'émission, bon, on l'entendait pas là maintenant, elle commence à gueuler. Ouais, comment ça va se passer place, hein, ça hein y est, moi je... Dans trois mois, c'est... je vais faire les infos. Et moi je serai à ta place, exactement. Bah, qui sait, ouais. Ouais, ouais. Non, mais ouais, c'est ouais dingue, c'est le monde à l'envers. Bon, allez, on va faire appel à Doudou maintenant, notre grand marabout voyant. Enfin, je sais pas très bien quoi là, bon, enfin bref, il fait l'horoscope. Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. Qu'est-ce que vous foutez, Doudou là? Ah, mais je pouvais pas une poupée. Une poupée? Mais oui, je vais faire un oui de vaudou, alors je pouvais pas la poupée. Mais c'est Vince? Oui, oui, c'est le maréchal. Il m'a demandé si je pouvais l'aider à prendre la place de Vince. Oh là là, c'est mal. Oui, ça. Mais laisse tomber. Hein, parce que Vince, si vous aviez un sort pour qu'il soit bon au standard, ça suffira. Hein. Ah, je faites plutôt sur le maréchal qui fait la libre antenne le soir. Hein. Ah oui, je me disais aussi qu'il pouvait pas être animateur celui-là. Ah non, ah, non, non, bah, je vous confirme. Ah oui. Bon, Doudou, l'horoscope, hein, on va faire les béliers là. Allez, allons-y alors. Hein. Les béliers, une bonne idée vous promet de bonnes chances de gain. Alors, vous allez peut-être nous faire une petite grille de loto aujourd'hui? Oui, je pense que le loto, ça paraît pas mal. Ah, alors, oui, c'est peut-être une bonne idée. Mais oui, les taureaux maintenant, pardon. La réussite n'est qu'une question de temps. Alors, soyez patients. Oui, bah oui, faites une petite sieste. C'est ça. Les gémeaux. Passez cette soirée à vous détendre avec votre partenaire. Les cancers. Ce qui vous ferait du bien, c'est une alimentation équilibrée et de l'exercice au grand air. Ah, ça, ah oui, c'est sûr. Bah, alors, on arrête les classes. Ah, Les classes. Ah, oui, d'accord. C'est un peu anglais comme c'est bizarre. Ouais. Alors, donc, pas de chips, pas de frites, Julie. Ah, oui, ouais, voilà. Ça, je vais essayer. Les lions, évitez les grosses dépenses. C'est la fin du mois, vous n'avez plus un mot. Les vierges. Sautez du train-train quotidien et laissez libre cours à vos envies. Les balances. Ça va prendre encore un peu de temps avant que votre situation financière ne s'améliore. Allez, c'est bientôt le 30. Oui, enfin dans 8 jours. Hein. Les scorpions. Faut bien trouver un peu de bon quand même. Hein. Oui, bah c'est sûr. Les scorpions. Courage, les étoiles sont favorables et vous réussissez plus de choses que vous le croyez. Une bonne idée, c'est une bonne nouvelle, pardon. Bah oui. Bah oui, les sagittaires. Une soif de pouvoir pourrait vous déstabiliser l'harmonie de votre couple. Et les capricornes. Les pensées négatives ne vous aideront pas. Soyez positifs. Les Verseaux. Le temps passe à toute vitesse et vous vous faites du souci de ne pas pouvoir réaliser toutes vos tâches. Mais pas de panique, tout va bien se passer. Et enfin, pour finir, les Poissons. Ouvrez votre cœur et savourez ces œufs exquises. Très bien. Bon, je voulais dire, ouvrez votre cœur, c'est pas avec un couteau. Hein, c'est un sens. C'est une image, quoi. Oui, on a compris. C'était pour être sûr. Ah, d'accord. Oui, bah oui. Bon, bah, tout à l'heure, dans une heure, Doudou. Hein. Oui, d'accord. Et arrêtez problème. Vos conneries là. Avec de sortilèges et tout le bazar là. Hein. Bah oui, mais enfin, je fais quoi si je fais plus ça? Ouais, bah ne faites plus, hein. ce sera mieux pour tout le monde. Il y a un message qui dit c'est faux, c'est le plus terrible, tu es peut-être jaloux, désolé, c'est Chris de Sombreville. J'ai pas bien compris. Je crois qu'il disait que le maréchal ne devait pas par rapport à Vince. Ah, peut-être, oui, je sais pas. Toi, par peut-être, rapport au maréchal, tu trouves. Enfin, ah, peut-être, bah écoute, je sais pas. Et sinon, peut-être qu'il pourrait préciser d'ailleurs son message. Oui, c'est vrai. Il y a une info aussi qui est tombée, embouteillage sur la E19 entre Halle et Bruxelles. Bonne émission, c'est Gwen. Et ben écoute, si t'étais parti à la même heure que moi, j'ai fait la même route, c'était nickel, moi. Tiens. Ah, 5h du mat. Oh, c'était tranquille, pépère. Bon, on va s'envoyer un petit peu de son maintenant, là. Bah oui, normal, 8h18. Bon réveil, tout le monde. C'est J-Lo qu'on écoute tout de suite avec Papy sur Fun Radio. Et la déclaration express arrive dans quelques instants. Hein. Petit moment préféré de Julie, d'ailleurs. Hein. C'est soit tendu, soit j'ai mignon. Toujours un petit peu peur, ouais. Oui, avec la déclaration express et Sébastien Love. Juste après J-Lo maintenant et Papy. Il est 8h18. Bon réveil, tout le monde, sur Fun Radio. Jennifer Lopez sur Fun Radio à 8h21. Bon réveil tout le monde avec tous vos messages qui arrivent au 3044 et aussi d'ailleurs sur le groupe Facebook. Et pour nous rejoindre sur le groupe Facebook, c'est sur mikl.fm qu'il faut vous rendre. Vous pouvez d'ailleurs vous rendre sur le blog sur mikl.fm pour voir la photo de la femme qui avait les deux jambes de 60 kilos là. Il y a même une vidéo. Ah, il y a même la vidéo, c'est encore mieux. Voilà. Donc mikl.fm, vous allez pouvoir y aller et prochainement nous mettrons les photos de Julie également, malade. Oui. Ah non, je crois qu'il vaut peut-être mieux. Voilà. Je suis malade, non, ça va être place sur la plage. Mais non, oui. Ah, topless sur la plage, ça peut faire du clic. Ah bah. Ça non plus, je pense. Non. C'est dommage. Tu vois, tu ne te donnes pas à fond pour la radio et c'est, non, et c'est malheureux. Je ne suis pas investi dans mon boulot. J'en parlerai à Greg, le boss, qui revient aujourd'hui de vacances. Du coup, Julie ne te donne pas à fond pour la radio. Et surtout s'il entend ma voix, en plus, ouais. Il va se demander mais qu'est-ce que c'est que ce machin. C'est ça. Mais ça, c'est parce qu'elle dort cul nu. Jamais engagé ce truc pour mettre à l'antenne. Ça, c'est parce qu'elle dort cul nu, elle dort pas la nuit. Et donc, voilà, forcément, arrive ce qui arrive. C'est normal. C'est ma journée sur mon vélo là, sous la pluie qui m'a donné. Une semaine, oui c'est vrai. Ouais. Bon allez, c'est parti maintenant pour la déclaration express. Qui est avec nous pour la déclaration express? Bonjour. Oui, bonjour, c'est Clara. Salut Clara, comment vas-tu? Très bien, merci. Bon, tant mieux, tu appelles d'où Clara? De Verviers. De Verviers, tu as quel âge? 20 ans. 20 ans, et tu veux faire une petite déclaration express? Tu veux la faire à qui cette déclaration express? À Nico. Nico c'est qui? C'est ton mec, ton futur mec, ton ex-mec? Ton futur ex-mec? Futur, j'espère. Futur mec ou futur ex-mec? C'est mon ex, j'espère que ce sera mon futur, voilà. Ah d'accord, t'aimerais te rabibocher. Voilà, je suis partie il y a 4 ans faire une croisière en Égypte avec mes parents. Tu l'as trompé. Et là, je l'ai rencontré là. Ah, tu vois. Et on était tout à l'heure, tourné. Et alors, après cette croisière, on s'est perdu de vue. D'accord, ok. Eh bien, écoute, c'est un amour de vacances. Tu as fait appel à nous et c'est beau. On va pas appeler en Égypte, rassure-moi, pour la facture de téléphone, ça m'inquiète. Bon, on y va. Comment il s'appelle? Nico. Ah oui, c'est vrai. Donc, on l'appelle, tu lui dis, ouais, voilà, j'ai un truc à te dire, et puis nous, on enchaîne derrière, d'accord? Allez, c'est parti, on y va, on appelle. On appelle Nico, et donc c'est passé. C'est pas grave. Sur le répondeur, tu lui dis j'ai un truc à dire et on enchaînera quand même, d'accord? Raccrocher. Il doit dormir. Appuyez sur l'étoile pour réenregistrer votre message. Et peut-être avec une autre. Quelle horreur. Ouais, Nico, c'est Clara, j'ai quelque chose à te dire. Sur un bateau, ils se sont croisés, c'était il y a 4 ans. Par ses parents, elle était surveillée à peu près tout le temps. Mais un beau jour, elle n'avait plus tes nouvelles. Et ta sœur lui a dit que régulièrement, tu fais des gastro. Oh, oh, oh, tu fais des gastro. Oh, oh, oh. Alors un jour, elle s'est décidée à prendre les devants. Un masque à gaz et des imodium, sans oublier des gants. Et lorsqu'elle est entrée dans ta cabine, tu lui as dit Clara, viens jouer avec ma... Et elle a pas dit non, oh, oh, oh. Elle a pas dit non, oh, oh, oh. Et ben voilà, petite déclaration express, qu'est-ce que t'en as pensé alors Clara? C'est bien. Bon, j'espère que Nico, qui est toujours là, enfin qui n'est pas là, mais son répondeur enregistre toujours, ça l'aura touché et aura bien compris que la petite est ouverte. Voilà, j'espère qu'il me rappellera. Oui, j'espère pour toi aussi. Tiens, nous au courant surtout, d'accord? Voilà, d'accord, ça va, merci beaucoup. Eh ben écoute, gros bisous et puis passe une bonne journée. Merci. Je t'embrasse, salut à toi. Et puis vous aussi, si vous souhaitez faire pareil, n'hésitez pas. Vous vous inscrivez dès maintenant, 3044, débutez le message par déclaration. C'est 50 centimes le message. Ou alors, vous pouvez directement, il va falloir qu'on lui ajoute un petit onglet à Sébastien Loeb sur le site. Comme ça, vous allez pouvoir directement vous inscrire depuis le site internet sur mikl.fm. Voilà, bon. Bah ça va, ça t'a plu Marge ou pas? Bah écoute, comme d'hab, au départ j'étais là, oh mais c'est mignon, et après ça a enchaîné avec une bonne gastro, bon bah voilà. Bah oui, mais ça allait encore ce matin. Qu'est-ce que tu fais? Mais en même temps, je me dis que Égypte, gastro, ça va de pair quoi. Bah, ouais, c'est ça, on c'est peut long. Pas faire autrement. Qui n'a pas eu de gastro en Égypte? Mais ouais, c'est ça. Il y a un message qui vient d'arriver qui dit, est-ce que je peux faire la déclaration à Julie? Bien sûr. Ah mais avec plaisir. Sébastien Loeb va t'appeler immédiatement. Si on a le temps, on fait ça encore avant 9h30, sinon ce sera pour demain, ne t'inquiète pas pour ça. Bon, dans un instant, c'est les infos qui vont débarquer sur Fun Fun Radio, ne bougez pas de là, bon réveil, il est 8h26. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. 8h29 sur Fun Radio et nous avons avec nous maintenant pour la blague du jour. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire pour la blague du jour au 3044 débuté par blague ou alors sur le site de l'émission mikl.fm. Alors, qui est là pour la blague du jour? C'est Cédric. Lucas, oui c'est ça, c'est presque Lucas, hein. C'est presque la même chose. C'est presque la même chose. Mais oui, c'est presque pareil. Salut Lucas. Salut. Comment vous là, Tino? Il vient de se réveiller doucement. Et debout là-dedans. Bonjour Lucas. Bon, comment ça va Lucas? T'as quel âge? J'ai 15 ans. T'as 15 ans, d'accord. Tu es là pour la blague du jour, Lucas. Attention, nous sommes tout ouïe pendant que Julie est en train de cracher ses poumons. Je suis en train de mourir. Oui, c'est ça. Lucas. Sauvez Julie. Oui, envoyez c'est vrai. Vos dons. Tout à fait. Sur PayPal, je vous donnerai mon adresse PayPal tout à l'heure. Bon, vas-y, Lucas, on t'écoute. Bon, bah là, en fait, c'est une blague pour un copain, parce que je voulais dire ça. C'est quoi? Pardon? C'est un copain qui voulait jouer cette blague, qui nous écoute. D'accord, ok, vas-y, fais péter la blague pour le copain. Voilà. Alors, en fait, c'est. C'est maman Stécaché qui se promène avec ses bébés Stécaché dans la forêt. Et puis un moment se retourne, elle ne le voit plus. Donc elle se met à pleurer, les bébés Stécaché, une idée. Puis ils sortent de leur cachette, ils sont bandés là, au Stécaché. Ouais, Stécaché. Ouais. Mickaël, à la radio. Oh, elle était mignonne. On a déjà eu un même genre la semaine dernière. Fun Radio. Oui, les steaks cachés. C'est vrai qu'on n'avait pas bien compris que le téléphone, mais bon, en gros, c'est maman steak caché. Oh, vous étiez où? Ben, steak caché. Voilà. Merci, Mickaël. 8h30. Les infos maintenant avec la mère Fouras. Voilà, je suis toujours là avec ma voix très agréable. Salut à tous. La chute du colonel Muammar Kadhafi, dirigeant de la Libye, est imminente. Les rebelles ont atteint le cœur de la capitale, Tripoli. C'est toi aussi qui tousse, Samy. Tripoli. C'était DJ Joss qui était derrière. Je te fais un petit remix de mes infos. Donc, les rebelles ont arrêté un des fils de Kadhafi, Saif al-Islam, désigné comme son successeur et qui faisait l'objet d'un mandat international pour crimes contre l'humanité. L'OTAN et Barack Obama affirment que le règne du tyran Kadhafi, sa fin du règne est proche. Cela fait 6 mois que le peuple se rebelle contre son dirigeant et en 24 heures, près de 1300 personnes ont déjà perdu la vie. Journée décisive pour Dominique Strauss-Kahn. Selon le journal New York Post, toutes les charges devraient être abandonnées. Le procureur chargé de l'affaire DSK demandera au juge d'abandonner toutes les poursuites contre l'ancien patron du FMI en déposant une motion de recommandation de rejet. Dans cette motion, le procureur reprendra tous les détails de l'enquête menée depuis 4 mois et de nouveaux éléments pourraient émerger, mettant un peu plus en cause la crédibilité de la victime présumée. Si tel est le cas, Dominique Strauss-Kahn pourrait être libre de retourner en France dès demain. Chez nous, le bilan du drame au festival Pokolpop est revu à la baisse. 4 et non 5 personnes ont perdu la vie. Hier, une cérémonie a rendu hommage aux victimes de la tempête qui s'est abattue sur le festival jeudi dernier. Lorsqu'il est sorti de l'église, l'organisateur du festival a été chaleureusement applaudi. Une autre cérémonie d'hommage est prévue le jeudi 25 août à 18h, une semaine exactement après le drame. Cérémonie prévue dans le centre d'Asselt. Un adolescent de 15 ans est décédé alors qu'il tentait de traverser à la nage un bras des lacs de l'Odeur. À quelques mètres du bord, le jeune garçon a été victime d'un malaise et n'a pas survécu. L'endroit où les jeunes ont plongé était interdit à la baignade. Un violent incendie à Seraing a plongé une partie de la région dans le noir. Le feu s'est déclaré hier, peu après 22h30, à l'entreprise électrique ESB. Et cet incendie a provoqué une baisse et des coupures de courant dans les environs. Le feu a été maîtrisé vers 4h ce matin. Au Standard de Liège, hier soir notamment, le match contre Courtrai avait été interrompu pendant une dizaine de minutes. Ce qui n'a pas empêché les Liégeois de s'imposer 3-1 face à Courtrai. Pour la suite des résultats, Zulte Waregem et l'UFC Bruges se sont séparés sur un nul, un partout, Anderlecht s'est séparé de Mons, de partout. Et à 8h33, c'est parti pour les news météo maintenant. Et si on suit RTL, il fait toujours glissant à Arlon. Ça ne change pas. J'ai regardé sur mon iPhone et il fait plein soleil à Arlon. Dites-moi, si vous êtes sur Arlon, quel temps fait-il? Est-ce que c'est RTL ou Fun qui a raison? Ah ben écoute, je pense que c'est plutôt nous. En tout cas, aujourd'hui, il va faire doux jusqu'à 26 degrés. Mais les nuages seront nombreux et en fait, ils seront accompagnés d'une bande de pluie qui va traverser le pays. Normalement, cet après-midi, les éclaircies seront au rendez-vous. Demain, toujours un risque d'averse qui est possible et jusqu'à 27 degrés. degrés. Oh, la bonne nouvelle quand même, c'est bien, il fait lourd et dégueulasse. C'est le temps idéal, quoi. Super. Ah, c'est génial. Bon, c'est l'info en plus juste après. Fun Radio. Fun Radio. Eh ben, l'info en plus, elle est maintenant, justement. Alors, le dernier maillot de Steven Defour du Standard vaut déjà 2500 euros. Son dernier maillot a été mis aux enchères à l'initiative du Standard. Et donc, les enchères sont déjà montées jusqu'à 2500 euros. Et l'argent est destiné à la population de la Corne de l'Afrique, victime de la famine actuellement. Lancée le 16 août, les enchères ne vont pas s'arrêter tant qu'une enchère supérieure sera mise chaque jour sur le site internet du Standard. Alors, si chaque joueur mettait un petit peu son salaire, hein, il pourrait quand même quasiment aider toute la population. Là, je pense qu'on peut multiplier par 1000 les 2500 euros. C'est ça, ça aurait pu être vachement bien d'ailleurs. Tiens, message qui dit pour soigner Julie, il faut lui faire une infusion de rhum, signé Gwen. Eh bien, viens, n'hésite pas à la radio. Je rappelle que la semaine dernière, quelqu'un s'était proposé de nous ramener des croissants, j'attends toujours. Ouais, ouais, on s'est encore fait avoir. Ouais, ouais, 33 avenue Télémac, 11 de l'an de Bruxelles, le mot code pour entrer. Le mot code pour entrer. Croissant. Voilà, comme ça vous êtes au courant maintenant. Non mais vous pouvez venir, hein, si vous voulez faire l'émission avec nous, tout ça. Attends, vous êtes bienvenus. Des croissants et des pains au chocolat, tout le monde peut venir. Mais sans aucun problème, il n'y a aucun souci là-dessus et Julie vous remerciera en nature. Oh bah tiens, bah oui. Les PZ de Caco, on écoute maintenant à 8h35 sur Fun Radio. C'est Chuibo et juste après c'est le petit déj service avec les packs destination finale 5 à gagner pour vous inscrire. 30-44 débuté par Dej. Les PZK à l'instant avec Chuibo sur Fun Radio, 8h39. Bonjour tout le monde et puis bon réveil également. Je rappelle que pour choper les packs destination finale, c'est au 63-22 que ça se passe, débuté par destination. Et on jouera donc au petit déj service. On va y jouer d'ailleurs dans quelques instants. Avec Julie devrait courir un jour avec les plateaux pour voir si elle est meilleure serveuse que toi. Alors je ne pense pas. Je me suis toujours dit que c'était bien un job d'étudiant que je ne pouvais pas faire à l'époque. C'était bien celui-là, être serveuse quoi. Ouais, mais pas parce qu'elle faisait tout tomber, parce qu'elle cuvait les bières avant. Oui, c'est ça, bien sûr. L'évaporation, hein, il fait tellement chaud, vous comprenez monsieur, bah on va vous quand même vous la facturer, hein, parce que bon, nous on l'a servi la bière quand même là. Ouais. Je suis alcoolique et mes heures perdues, voilà, c'est comme ça. Bon, destination finale 5, on vous file le pack destination finale 5 avec le sac de sport, les suites-plages, la coque iPhone, le t-shirt, bref tout ce qui va avec. Je veux ce pack. Oui, bah tu l'auras pas sauf si tu joues, hein. Oh, pour les inscriptions, 63-22 code destination avec vos coordonnées, c'est 1€ par message et destination finale 5, ça sort le 24 août dans toutes les salles et nous avons quelqu'un avec nous maintenant pour jouer au petit déj. Comment t'appelles-tu? Bonjour. Salut, c'est Florian. Salut Florian, comment vas-tu? Ah bien et toi? Eh ben ça va, hein, tranquille, pépère, à la cool quoi. Tranquille. T'es dans quelle ville Florian? À Blanc, je suis près de Ciné. Tout près de Ciné, d'accord, ok, très bien. Tu vas jouer avec nous au petit déj service. Petit déj service ce matin avec encore un nouveau plateau. Attends, merde, on t'entend mal. Non, c'est le même que vendredi. Ah, c'est le même que vendredi, ouais, d'accord. C'est le même que vendredi. Merci de suivre, hein, Mickaël. Avec, oui, bah dis donc, comment ça se passe? Même qu'il a dit que celui-là était plus lourd que l'autre. Ouais, je pensais qu'il était en dur mais rond, alors qu'en fait celui-là il est pas rond, non, il est plutôt rectangulaire. Il est bizarre, il est ovale. Ovale rectangulaire, c'est pas très bien. Ouais. Bon, combien il y a d'objets sur le plateau? 10, comme d'habitude. Il y a 10 objets sur le plateau. Alors, à ton avis, combien restera-t-il d'objets quand Toff aura fait le tour du studio en courant avec le célèbre croche-pied de Julie? Je vais dire 3. 3 objets, tu me parais bien optimiste, mais. Parce que ça va être une catastrophe. En fait. Allons-y, je rappelle que pour l'instant, une seule personne a gagné en disant 0. La semaine dernière, c'était vendredi ou jeudi, je sais plus. On y va, attention, allez, tu as dit qu'il resterait 3 bouteilles, c'est parti. Enfin, 3 objets. Attends, mais il va plus lentement. Toff, il y va, du 2 là. Attends, ça c'est. Il triche là. Ouais, il triche. Eh, Toff, tu peux. Voilà. Bon. Il me semblait bien. Et ben voilà. La faute de Julie, elle a triché. C'est-à-dire qu'elle lui a fait un gros smack et il était perturbé. Il a pas survécu. Ben ouais, c'est ça. Bon, ben voilà, comme je t'avais dit, tu étais un peu trop optimiste puisqu'il reste 0. Rien, même pas le plateau. Ouais, même le plateau est tombé. Ah ouais, même le plateau, c'est pour te dire. Bon. Il a foiré Toff. Eh ben ouais, il a foiré Toff. Mais ouais, mais c'est un foireux. C'est Julie, elle m'a perturbé. Ben bah, oui, mais c'est ça. Hein. C'est toujours de ma faute, il n'arrive pas à assumer. Mais bien sûr, ce sont ses atouts féminins qui t'ont perturbé, Toff. Mais bien sûr, cette poitrine opulente, ce corps de déesse. Bon, eh ben écoute, passe une bonne journée quand même alors, d'accord? Ah, toi aussi. Et tu reviens quand tu veux. À bientôt, salut à toi. Ça. Ciao. Ouais, message qui dit Fun Radio ne paye plus de factures. Si, si, tous les matins à 7h10, 8h10 et 9h10. D'ailleurs, on remettra le couvert dans moins d'une demi-heure. Si vous voulez vous inscrire, eh bien, dès maintenant, vous pouvez le faire en vous inscrivant au 63-22 par SMS, 1€ par message. Débutez le message par facture. Vous mettez le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Et dans moins d'une demi-heure, la facture, elle sera peut-être pour vous. Dans un instant, ne bougez pas. On va revenir avec vous toutes et vous tous. Et puis, avec un petit peu de son et avec surtout l'infotrafic et la ligne anti-relou. Mickaël à la radio sur Fun Radio. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Ouais, et on va faire un tour du côté de l'infotrafic à 8h46, toujours les embouteillages sur la E19 en direction de Bruxelles vers Halle, évidemment. Et quoi d'autre ? Tout à fait. Mais un auditeur nous signale un contrôle de la douane dans le zoning de Courcelles, c'est rue du Hainaut. Oui, donc si vous voulez au mazout de chauffage, n'allez pas par là, parce que vous allez vous faire baiser. Hein. Évitez. Et puis moi, je rajoute un accident sur le 40 à Chenliège, en direction de Bruxelles, c'est à la tour de Berthem. Une équipe est en route. Oui, et donc s'il y a un policier qui nous écoute, et qui, enfin un douanier plutôt, parce qu'on en parlait avec Julie Orantel, on se demandait combien ça coûtait une amende quand on roule au mazout de chauffage. Voilà. Je sais pas du tout combien ça coûte, donc, moi, donc j'ai voilà. J'ai aucune idée. Donc, si vous avez l'info, parce qu'on a la flemme d'aller voir sur Internet. 30-44, vous nous dites. Ouais, ouais, bah c'est ça, voilà. Bon, on va se faire à la ligne anti-relou. Bah, bien sûr, la ligne anti-relou, là. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil ? Non, pas non. Du tout, mais c'est pas grave. C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Oui, en fait, c'est un petit peu ça. J'essaye de faire ce que je peux, bien entendu. On va écouter maintenant la ligne anti-relou. Attention, la ligne anti-relou, c'est tous les matins à... Et Julie ne suit pas, c'est quand même exceptionnel. 6h45. Tout d'un coup, c'est moi qui dois gérer ton business. Quoi. 8h45. C'est toi, toi, encore un peu, toi qui vas faire mes flash info. Elle est fautive, mais on va y arriver. Ouais, bah avec la voix de taille, il y a un moment, il y a un moment, sera peut-être mieux. Allez, les infos sera tout à l'heure. Donc, et la ligne anti-relou maintenant, 0473-86-0013. Vous laissez les messages sur la ligne anti-relou. Enfin, c'est-à-dire que vous donnez ce numéro à tous les relous que vous croisez, ou plutôt qui vous croisent. Et puis, bon, eux vont penser qu'ils vont vous appeler, enfin, qu'ils vous appellent. Et en fait, ils vont tomber sur notre répondeur. Et nous, bien sûr, on se fera un plaisir tous les matins de diffuser tous ces messages laissés sur le répondeur de la ligne anti-relou 0473 86 0013. Écoutez le premier message. Ouais, c'est pas comme ça. C'est une heure qui part tard. Je t'en sors là, sur le parking du Corap. Ma gueule, quoi. Et tu m'as dit, je viens là, je viens avec mon mini-shop et tout là. Et faut pas se moquer d'un fan. Pas ça, hein. On dirait François Lambrouille. Alors ça c'est assez agressif quand même. Je comprends qu'on lui ait filé le numéro de la ligne anti-relou. Moi je le trouvais pas très agressif, je le trouvais plutôt cordial comme vous voyez. Très cordial, très content. Enfin bref, un mec que Julie va rappeler direct quoi. Ah bah ça, bah attends. Parce que je rappelle que nous avons les numéros des gens qui nous appellent. J'ai immédiatement demandé à Toff. Mais on a bien compris. Bien sûr. On a bien compris. Deuxième message sur la ligne anti-relou. Tu vas laisser ton numéro, mais quand je suis parti aux toilettes et je suis revenu tout à l'heure. J'aimerais bien qu'on se voit. Allez, mon gueule là. Et voilà, j'espère qu'il y a beaucoup plus. C'est le mot gueule qui est drôle à la fin, mais bon. Moi j'ai dit bravo à la fille qui a filé le numéro et qui s'est barrée en courant. Ouais, franchement, mais elle a bien fait. Hein. Ah ouais, non, mais ça c'est la meilleure des techniques, je pense. Elle s'est sauvée la vie. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Ouais, c'est clair. Et enfin, troisième et dernier message maintenant laissé sur la ligne anti-relou. Oui, bonjour Martin. Martin. On s'est vu l'autre jour en soirée. Je t'ai trouvé très jolie. On a parlé ensemble et tout. Et voilà quoi, maintenant j'aimerais bien avoir plus d'affinités. Plus d'affinités. C'est important d'avoir des affinités. Un plus Martin. Voilà, plus d'infinité, donc voilà, comme ça on sait. Bon, la ligne anti-relou qui reviendra dès demain, évidemment. Si vous avez vous aussi tendance à croiser souvent des relous, n'hésitez pas à leur donner le numéro de la ligne anti-relou 0473 86 0013. Et puis sinon, on a des nouvelles aussi par rapport à l'amende au cas où on roule au mazout de chauffage. 500 € la première fois. Il y a Steph qui dit ça coûte plus ou moins 500 € la première fois, et puis ça dépend de la suite. Et alors il y en a un autre qui m'inquiète, c'est pas comme je roule au mazout de chauffage, mais c'est quand même vachement inquiétant pour ceux qui le font, parce que... Il faut payer l'essence depuis le jour où la voiture a été mise en circulation. T'imagines. Ah, la voiture date de 1982. Alors, je vais te dire ça, alors, coûte un bras. Hein. C'est-à-dire que tu sais, ils vont calculer au niveau des kilomètres. Tu peux revendre ta maison, je pense. Ah ouais, je crois aussi, ouais. Bon, bah, je sais pas si cette dernière info est vraie, mais bon, a priori, ce serait 500 €. Donc voilà, donc si vous passez au niveau du contrôle de douane, vous savez ce qui vous attend. Bon, l'info en plus, pas du tout. La question qui colle, écoutez bien, il y a des cadeaux pour vous. Qu'a perdu l'agence spatiale russe la semaine dernière? Voilà, je rigole parce que ça peut être drôle. Si vous avez la bonne réponse, 3044, qu'a perdu l'agence spatiale russe la semaine dernière? La bonne réponse au 3044. Et au niveau du son, c'est David Guetta qu'on écoute maintenant avec Little Bad Girl sur Fun Radio. Il est 8h51. Bon réveil tout le monde. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Exactement, tous les matins, il est 8h54, il y a Toff et il y a Julie alias Marge Simpson alias la mère Fouras qui est avec nous ce matin. Je suis à mon poste, ok, peut-être pas super en forme, ouais, mais je suis là. Oui, c'est vrai. Bon, je répète la question qui colle avant de faire quelques petits appels encore aux prisons. Qu'a perdu l'agence spatiale russe la semaine dernière? Pour un petit indice, ça vaut plusieurs millions de dollars. Hmm, oui, on doit même être pas loin du milliard. Ça, je sais pas, mais en tout cas, ça vaut quand même bien cher. Et le nom s'appelle... Bon, je peux donner le nom, hein. Je peux donner le nom de l'objet. Oui, oui, oui. Voilà, donc qu'a perdu l'agence russe internationale... spatiale internationale. Non, qu'a perdu l'agence spatiale russe, pas du tout internationale, la semaine dernière, voilà. Et c'est, le nom, c'est l'Express AMI-4. Mais à votre avis, qu'est-ce que c'est? Alors ça, on... Voilà, on proposait un astronaute. Non, quand même pas. Alors ça, ça surtout qu'en Russie, c'est cosmonaute, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est pas possible. Donc si vous avez la bonne réponse, 30-44, allez-y pour la bonne réponse. Il y a des cadeaux pour vous d'ici quelques instants. Bon, Toff. Oui. Pour les moments, les gardiens de prison semblent pas très intéressés par ta proposition donc de libérer un pote à toi. Ouais, mais je comprends. On avait essayé plusieurs fois tout à l'heure. Je comprends vraiment pas, parce que tu sais, vu le nombre d'évasions, les problèmes qu'il y a à chaque fois qu'un détenu s'évade, enfin, moi je trouvais que c'était plus simple qu'on fasse ça, tu vois, tranquille quoi. Ouais, ouais. Je passe un coup de fil, on prend rendez-vous, on fait ça peinard. Ouais, mais c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'évasions pour le moment qu'ils vont laisser sortir tout le monde, hein. Non, pas tout le monde, juste mon pote Giovanni, ça suffit. Ouais. Bon, on va voir, mais je suis pas trop convaincu, mais on appelle le dernier, on va où là? Quelle prison cette fois-ci? Je pensais Dinan. On a fait Arlon et Bruxelles. Ouais, je pensais Dinan, c'était pas mal, ouais. Ok, bah allez, c'est parti, on va à Dinan maintenant, on y go. Puis il y aura Jay-Z Linkin Park après aussi avec Indiana. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Allô? Oui, voilà, je vous appelais au sujet des évasions qui y a à ce moment dans les prisons belges. Oui. Ouais. En fait, voilà, je me disais que peut-être il serait possible de faire sortir mon pote Giovanni qui est chez vous. Hein? Non, parce qu'en ce moment, il y a plein d'évasions partout, alors je me dis, bon, un de plus, un de moins, ça se verra pas, quoi. Ouais. Bon, sauf que moi, j'ai pas envie de trucs spectaculaires, tout ça, des armes à feu, du sang, des otages, tout ça, ça m'intéresse pas, moi. Moi, je veux qu'on fasse les choses simplement, alors vous me dites combien, et puis je viens le récupérer. Je pense que on va en rester là, quoi. C'est peut-être plus simple pour vous, dans l'intérêt de chacun. Non, parce que votre intérêt, c'est que je vous paye. Parce que bon, moi, que je garde l'argent, ça me sert à rien. On ne fonctionne pas comme ça, on n'est pas à la TV, ici, on n'est pas à Hollywood, on a dit non, hein. Donc, Ah, justement, c'est bien parce qu'on a dit non, vous avez peut-être besoin d'un petit peu, hein, pour mettre du beurre dans les épinards. Bon, maintenant, si c'est une radio ou un truc comme ça, ben... Voilà, si c'était comme pour la jouer à la Fun Radio, ben, c'est pas mal. Pas mal. Ouais. Ce serait... Bon, on mériterait des trucs, quoi. Ouais, wow, c'est un sac à dos, quoi. Ah ouais, c'est pas terrible, quand même. Hein. Ouais, vous pensez qu'ils sont meilleurs sur Fun Radio? Bah, moi je ne suis pas fan de cette radio, donc ouais. Mais quand j'avais 18 ans et que j'avais pas grand chose dans la tête, ça me suffisait, quoi. C'est ça, c'est parce que maintenant vous avez évolué, vous écoutez Bell RTL, tout ça. Plutôt des chaînes un peu plus concrètes, quoi. Concrètes. Pas pour que de petits gamins de 18 ans se masturbent devant leur radio, quoi. Ouais, je comprends. Mais c'était pas mal joué, quoi. Ouais, je comprends. Bon, c'est sympa. Allez, hein. Je vous souhaite une bonne journée quand même. Pareil, hein. Allez, au revoir. Qu'est-ce qu'il est con celui-là alors. Je crois qu'on a été grillé. Ouais. 106.6 ça pour écouter Fun à Dinan. Je dis ça, c'est au cas où il a écouté. Au cas où il a perdu la fréquence, puisque maintenant il écoute des radios concrètes. Des radios concrètes. On ne sait pas ce que c'est une radio concrète. C'est une radio qui est physiquement là. Donc, ouais, ça doit être ça, ouais. Bon, bah c'est pas grave. Donc un échec total sur toute la ligne, Toff. Hein. Ouais, je suis très déçu. Pourtant, je m'étais préparé et tout. Et... Ouais, si vous avez des idées de conneries que Toff pourrait faire dès demain, n'hésitez pas à lui transmettre un toff@funradio.be ou alors vous allez direct sur le site sur mikl.fm. Ouais. Ouais, pas mal comme ça. C'est parfait. Allez, c'est dans un instant. Parfait. Eh ben tant mieux. Dans un instant, la réponse à la question qui colle. Qu'a perdu l'agence spatiale russe la semaine dernière? Si vous avez la bonne réponse, 30-44. On disait un style d'avion volant à 27 000 km/h. Non, c'est pas ça. On proposait des toilettes. Non, des toilettes. J'ai dit que c'était quelque chose de très très très très très très cher. Donc voilà, ils l'ont perdu. Qu'est-ce qu'une agence spatiale met en général qui sert à la télévision, par exemple? Par exemple. Ou le GPS, par exemple. Voilà, si vous avez une idée, 30-44. Et au niveau du son, Jay-Z maintenant Linkin Park avec In The End sur Fun Radio. Qu'il est bon ce son à 9h du mat, là. Jay-Z Linkin Park, In The End sur Fun Radio. Tous les matins, on est là. Il est 9h pile. Dans quelques instants, on fera un tour du côté de l'info. Et avant ça, nous avons qui pour la question qui colle? Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Jérémy. Tu as la radio derrière toi, Jérémy? Ah non, je l'ai coupé. Ah, tu as le kit main libre? Même pas. Non, alors tu as un téléphone pourri. Je te le confirme. Bon, la question qui colle, je la rappelle donc. Qu'a perdu l'agence spatiale russe la semaine dernière? On avait proposé un astronaute Swarovski. Non, c'est pas ça, non. Bon, c'est quoi alors? Ah ben moi j'ai peut-être perdu mon bon téléphone, mais sinon j'avais pensé à un satellite. Oui, ils ont perdu un satellite, oui. Donc normal. Voilà, il a été lancé jeudi, donc apparemment il se serait retrouvé sur une mauvaise orbite et donc l'agence spatiale russe est incapable de le retrouver et d'expliquer comment est-ce qu'ils ont réussi à l'égarer. Oh, ça fait quand même assez peur. Hein. Oui, mais il faut savoir que c'est le 5e satellite perdu cette année. Oh non, mais c'est pas vrai. Voilà. Donc les Russes, à mon avis, et la vodka, ça doit y aller fort. Hein. Ah ouais, c'est bon. Il est parti. Ah voilà, je sais pas où il est. Bon bah bravo à toi, c'est gagné. On va te filer le pack Destination Finale 5 puisqu'il n'a pas été gagné encore. Donc on va te filer ça. Et je rappelle aussi que Destination Finale 5, ça sort le 24 août dans toutes les salles en Belgique. Eh ben super, je t'en prie. Salut à toi, à bientôt. Salut, ciao. Ciao. Et pour les autres, hein, si vous voulez choper le pack, n'hésitez pas. 6322, débutez par destination, puis vous mettez vos coordonnées. Dans un instant, on paye vos factures. Mais avant ça, un tour du côté des infos dans 30 secondes. C'est Mickaël à la radio, sur Fun Radio. 9h03 sur Fun Radio. J'imitais Julie juste avant de prendre l'antenne. Alors, pas du tout. Les infos maintenant, c'est parti. Salut à tous, la chute du colonel Muammar Kadhafi, dirigeant de la Libye, est imminente. Les rebelles ont atteint le cœur de la capitale Tripoli. Ils ont arrêté un de ses fils, Kadhafi, donc Saif al-Islam, désigné comme son successeur et qui faisait l'objet d'un mandat international pour crimes contre l'humanité. L'OTAN et Barack Obama affirment que la fin du règne du tyran Kadhafi est proche. Il y a actuellement des violents combats autour de la résidence Kadhafi. Cela fait 6 mois que le peuple se rebelle contre son dirigeant et en 24 heures, près de 1300 personnes ont perdu la vie. Journée décisive pour Dominique Strauss-Kahn. Selon le journal New York Post, toutes les charges devraient être abandonnées. Le procureur chargé de l'affaire DSK demandera aujourd'hui au juge d'abandonner toutes les poursuites contre l'ancien patron du FMI en déposant une motion de recommandation de rejet. Dans cette motion, le procureur reprendra tous les détails de l'enquête menée depuis 4 mois et de nouveaux éléments pourraient émerger, mettant un peu plus en cause la crédibilité de la victime présumée. Si tel est le cas, Dominique Strauss-Kahn pourrait être libre de retourner en France immédiatement. Chez nous, le bilan du drame au festival Puckle Pop est revu à la baisse. 4 et non 5 personnes ont perdu la vie. Hier, une cérémonie a rendu hommage aux victimes de la tempête qui s'est abattue sur le festival jeudi dernier. Lorsqu'il est sorti de l'église, l'organisateur du festival a été chaleureusement applaudi. Une autre cérémonie d'hommage est prévu le jeudi 25 août à 18h, une semaine exactement après le drame, dans le centre d'Asselt. Un adolescent de 15 ans est décédé alors qu'il tentait de traverser à la nage un bras des lacs de l'Odor. À quelques mètres du bord, le jeune garçon a été victime d'un malaise et n'a pas survécu. L'endroit où les jeunes ont plongé était interdit à la baignade. Un violent incendie à Seraing a plongé une partie de la région dans le noir. Le feu s'est déclaré hier, peu après 22h30, à l'entreprise électrique ESB. Cet incendie a provoqué une baisse et des coupures de courant dans les environs. Le feu a été maîtrisé vers 4h ce matin, au Standard de Liège notamment. Hier, le match contre Courtrai a été interrompu pendant une dizaine de minutes à cause de cette panne de courant, ce qui n'a pas empêché les Liégeois de s'imposer 3-1 face à Courtrai, tandis que Zulte Waregem et le FC Bruges se sont séparés sur un nul 1 partout. Anderlecht s'est fait accrocher par Mons, mais a quand même sauvé la mise 2 partout. Allez, on fait un tour du... C'était très drôle d'ailleurs, le match juste en là. Avec la coupure. Avec la coupure, ouais, ça devait être assez... C'était sympa. Ouais. Allez, la météo maintenant. Il fera doux aujourd'hui de 22 à 26 degrés, mais les nuages seront encore nombreux et ils s'accompagneront régulièrement d'un peu de pluie. Normalement, cet après-midi, on devrait retrouver de belles éclaircies. Demain, toujours des averses possibles et jusqu'à 27 degrés. Un temps magnifique, un temps dégueulasse avec de la chaleur, c'est le top. Dans un instant, bah, ne bougez pas puisque c'est l'info en plus qui débarque. Fun Radio. Fun Radio. Et à 9h06, c'est l'info en plus maintenant. Alors des chercheurs se sont demandé pourquoi Malou, tes propos. Bah écoute, dis, je fais ce que je peux, t'es pas très gentil. Oh, va nous verser une larme. Oui. Allez, marche, vas-y. Allez, j'y vais. Donc, des chercheurs se sont posé la question, pourquoi quand on commence un paquet de chips, on ne peut pas s'empêcher de le terminer? Et parce qu'on est des gros goinfres. Ça aussi, mais apparemment, des substances chimiques sécrétées par donc notre corps produiraient une envie irrésistible de consommer des aliments très gras. Ces molécules déclencheraient, après avoir mangé de la nourriture grasse, un sentiment de bien-être similaire à celui d'une drogue. Mais ça ne dure qu'un temps, le sentiment de bien-être, parce qu'après, on se regarde, on se dit, mon Dieu, que je suis obèse. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas s'empêcher de terminer le paquet de chips ou le paquet de bonbons ou tout ce qui est gras et pas possible. Mais tu sais que moi, ça m'arrive avec les petits bonbons, tu sais, les petits coca sûrs, là, les Lutti. Ah, ouais, c'est à fait. C'est-à-dire que je les bouffe et au moment, j'en ai plus envie, ça me dégoûte, mais je les bouffe quand même, tu vois. On dit que le sucre rappelle le sucre aussi. Ah, ouais, mais là, c'est violent quand même. Dans un instant, on paye vos factures. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est la dernière fois aujourd'hui. 63-22, débutez le message par facture. C'est 1€ par message. Débutez par facture, vous laissez ensuite le montant de la facture et l'objet de la facture. Hein, quelques-uns qui viennent d'arriver. Facture 86€ pour des lunettes 3D. Une cuisinière de 599€. Eh oui. 252€ pour la taxe voiture. C'est précis. 108,96€ l'abonnement Mobistar. 2500€ pour les contributions. Mais j'aimerais bien gagner ce montant pour payer ces. C'est ce que mon père dit en général quand des gens se plaignent des contributions. C'est que si tu payes beaucoup, c'est que tu gagnes beaucoup. Oui, forcément. Oui. Ça tombe sous le chance. 150€ pour le GSM. 500€ pour un congélateur. 169€ pour les poubelles. Mais mettez les poubelles à la porte le bonjour. Vous prenez une amende à chaque fois pour rien. C'est énorme comme amende. Bah oui, 179€ pour une alarme de voiture. Facture Omnium de voiture. C'est Sébastien, mais il n'a pas mis combien. Ça c'est joyeux, tiens. Funérarium. Oh là là. Ouais, ça c'est, oui, c'est joyeux, tiens. 429€ pour le loyer. Bref, 63-22, débutez le message par facture, tout simplement. Et on appelle dans quelques instants pour vous payer votre facture. En attendant, on se fait le son de Snoop Dogg avec T-Pain maintenant sur Fun Radio dans Mickaël à la radio jusqu'à 9h30. Le titre c'est Boom sur Fun Radio. Le son de Snoop Dogg à l'instant avec T-Pain, c'était Boom à 9h12 sur Fun Radio. Et là, c'est le moment, c'est l'instant de payer vos factures. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Mais oui, c'est comme ça que ça se passe chaque matin sur Fun Radio. 63-22 pour vous inscrire. Débutez le message par facture avec le montant de la facture, l'objet de la facture. Et puis bah nous, on vous appelle en direct pour vous filer l'oseille, tout simplement. Bon, évidemment, il faut que vous décrochiez pour ça. C'est le minimum syndical. Allez, c'est parti. On appelle quelqu'un et on va rembourser combien, Toff? Hein, quelle facture? 70€. De stationnement. De oui, stationnement, cher, hein. Wow. Oui. En mais vacances. Ah, en vacances. Et quand vous êtes en vacances, payez pas. Non, mais c'est vrai. Enfin, sauf si vous êtes en Belgique, mais plaque à l'étranger pour les stationnements, si vous payez pas et que vous avez un PV, vous le payez pas, ça marche pas. C'est une voiture bien. De loc. Ah oui, c'est une voiture de loc, ouais, là, si, c'est, ouais, c'est assez mort. Ouais. Bon, bah tant pis. Allô. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Eric. Comment? Eric. Eric. Salut Eric, c'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Fun. Et je t'appelle pour te payer ta facture. Ah, super, ouais, facture de 70€, c'est ça? C'est ça, oui. Eh oui, pour le stationnement, c'est malin, au lieu de mettre une petite pièce. Ben, ouais, c'est bien, ouais. Eh bah ouais, bah on oublie, et puis 70€, et cher quand même, 70€, hein. Attends, ouais, c'est... Voilà, ok, ouais. Ouais, bien, bien cher, 70€. Mais enfin, tu bon. T'es garé où pour 70€, toi? Okay. Oh, bah sur une livraison, enfin sur un truc, tu sais, avec livraison pour les camions, ah, oui, machin. C'est si cher. Bah, c'est je sais pas, mais je sais quand tu mets pas d'argent dans le rodateur, c'est 15€ ou 20€, mais quand tu mets dans un endroit où tu ne peux pas te mettre, voilà, tout de suite, c'est beaucoup plus cher, ouais. Bon, ouais, bah, en tout cas, on va te payer ta facture, y a pas de problème. Okay, les 70€ arriveront chez toi très rapidement. Je te fais. Okay. Je te souhaite une bonne journée, Eric. Ok, je peux te passer un petit message. Mais vas-y, profite. Je voudrais passer un bonjour à Donova Toiture. À qui? Voilà. À Donova Toiture. Donova Toiture. Eh ben, y a pas de problème, on embrasse tout le monde là-bas, y a pas de problème. Ça va. Salut, à bientôt. Ciao, bye bye. Oui. Tiens, message qui vient d'arriver. Julie, même malade, tu restes la plus jolie. Ah bah, oh, c'est trop gentil. C'est mignon. Ouais. Mais heureusement qu'ils sont là, les auditeurs. Mais eux, oui. Ils sont gentils. Mais oui, bien sûr. Contrairement bien sûr. À ceux qui sont dans le studio. Bon, je vois pas si tu exagères. Mais moi non plus. Bon, on revient dans un instant avec l'horoscope. Ce sera l'horoscope de Doudou, bien sûr. Et puis avec le son des Black Eyed Peas. Don't Stop the Party sur Fun Radio. Bon réveil, il est 9h15. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Mickaël à la radio. C'est encore mieux qu'un concert d'André Rieu. Fun Radio. Les Black Eyed Peas à l'instant, Don't Stop the Party sur Fun Radio. Et à 9h18, c'est parti pour l'horoscope. Fun Radio. L'horoscope. L'horoscope avec Doudou, le dernier, hein, puisqu'il est déjà, il est déjà 9h, hein, et il y a une horrible odeur d'encens là, tout d'un coup là. Mais qu'est-ce qu'il fait encore, Doudou? C'est pas possible. Lui, il vient toujours avec quelque chose de nouveau. Mais oui, faut purifier. Je sens les ondes négatives ici. Non, c'est les microbes, peut-être. Ouais, ce sont les miens. Il y a peut-être de ça. Non, mais sinon, tout va bien, Doudou. Hein, je vous assure, hein, pas de problème. Mais non. Allez, détendez-vous. Ayez confiance. Vous allez vous endormir, là. Hein. Laissez-vous aller. Non, ça va aller, Doudou. Bon, on va faire l'horoscope. Hein. Allez, bon. Les béliers, Doudou. Oh, vous êtes rabat-joie. Non, mais enfin bon, on n'a pas le temps. Alors, pour les béliers, une bonne idée vous promet de bonnes chances de gain. Alors, peut-être que vous devriez faire une grille de loto. Ben, je vais y songer. D'ailleurs, je vais en faire une maintenant. Je le savais. Ouais, les taureaux. En plus, je vous interromps, mais j'ai gagné l'euro million vendredi. Oh mais arrête, c'est combien? 1 euro. Oh, j'ai misé 7,50€, j'ai gagné 8,50€. Bénéfice, 1 euro. Bois. Ben oui, je suis assez fier de moi. Sachant que vous visiez le million. Ouais, oh bah non, les 66 pour être précis. Ah bah oui. Bon, les taureaux. Une bonne idée vous promet de bonnes chances de gain. Vous allez faire... Non, c'est pas ça, pardon, les taureaux. La réussite n'est qu'une question de temps. Très bien, les gémeaux. Passez cette soirée à vous détendre avec votre partenaire. Les cancers. Ce qui vous ferait du bien, c'est une alimentation équilibrée et de l'exercice augmentaire. Les lions. Évitez les grosses dépenses, c'est la fin du mois, vous n'avez plus un rond. Les vierges. Sautez du chouin-chouin quotidien et laissez libre cours à vos envies. Très bien, les balances. Ah, ça va prendre encore un peu de temps avant que votre situation financière ne s'améliore. Mais allez, c'est bientôt le 30. Ben oui, les scorpions. Courage, les étoiles sont favorables et vous réussissez plus de choses que vous ne le croyez. Déjà pas mal. Les sagittaires. Alors, une soif de pouvoir pourrait vous déstabiliser l'harmonie de votre couple. Les capricornes. Les pensées négatives ne vous aideront pas. Alors, positivez. Mais il vaut mieux. Et à l'avant-dernier, les Verseaux. Le temps passe à toute vitesse et vous vous faites du souci de ne pas pouvoir réaliser toutes vos tâches. Mais pas de panique, ça va aller. Mais oui, on y croit. Et enfin, pour finir, les poissons. Ouvrez votre cœur et savourez ces œufs exquises. Ça va faire du plaisir. Ouais, bah ça c'est pas sûr, mais enfin on va voir. Mais si. On vous retrouve demain, Doudou, et arrêtez avec ces tensions là, ça pue dans tout le studio. Oh, moi je sens rien, j'ai le nez bouché. Ah bah t'as bien de la chance. Ça tombe bien. Mais ah ouais. Oui, il faut purifier. Il faut enlever les ondes négatives. Surtout à la radio, c'est important. Ouais, c'est sûr, on va purifier. Bon, merci Doudou. Hein. Je vous en prie. Et un message qui est arrivé. Sorry, mais il fallait que ça sorte. Génial de se réveiller avec vous. Bisous, c'est Mathieu. Bah, merci Mathieu, c'est gentil. Et Marianne qui a aussi envoyé un message pour les factures. Là, 250€ pour la réparation de ma bague de fiançailles qui a 34 ans. Et c'est mon anniversaire aujourd'hui. Eh ben, bon anniversaire. Mais on paiera pas la facture, hein, puisque le jeu des factures c'est terminé, évidemment. On remettra le couvert demain dès 6h. Mais vous pouvez vous inscrire dès maintenant au 6322 en débutant par facture. Jason Derulo. Maintenant, c'est Don't Wanna Go Home. Jason Derulo à l'instant sur Fun Radio. Et la chanson préférée de Julie, n'est-ce pas Julie? Oui, tout à fait. Ma chanson préférée. Je sors du studio pour aller me moucher, évidemment. Vous êtes les premiers c'est à aller. Il fallait vous préciser aussi que c'était la journée mondiale des mythos hein, ce matin. Non, mais j'essaye d'éviter aux auditeurs d'entendre enfin, voilà, ce genre de bruit pas très agréable. Ah, tu veux une bouée? Tout ça pour aller faire des avances à Lucas. C'est ça. Bon, 9h25 dans un instant, c'est le grand retour de Lucas qui est parti en vacances. Ah, demain, on va faire un jeu. Ne dis rien. Demain, on va faire un jeu. Quand t'as une semaine de vacances en plein mois d'août, où pars-tu en vacances? Quand, avant de prendre les vacances, tu me dis wow, tu sais, moi je regarde Last Minute, hein, j'adore ça. Je vais regarder le Last Minute. Je vais partir dans un endroit qui déchire en Last Minute. C'est pas mal hein, quand on saura ce que c'est pas mal, c'est original. Bon, je peux pas attendre jusqu'à demain pour le jeu, tant pis. Non, il faut le balancer. En fait, il est parti loin, trop loin. Ah, oh là là. Aux Pays-Bas. Voilà. Je me suis fait masser. Mais il faisait chaud dans les saunas, les hammams, les jacuzzi. Si tu pars en Thaïlande, tu te fais masser, chouchouter, tout ce que tu veux. Hein. J'ai pas les moyens. Tu prends en Lady Boy, tout ça. Arrête, en last minute, ça va. Ça n'est pas pour qui. Non, mais last minute. Lucas est parti il y a pas si longtemps en Égypte, ça va, ne le plaignons pas non plus. Oui, c'est vrai. C'est intéressant ma vie. Hein. Mais franchement, prendre des vacances pour aller aux Pays-Bas, une fois mais pas deux, je te préviens. J'étais tendu. Je te préviens directement, une fois mais pas deux. J'ai quand même bronzé. Mais ça c'est vrai, j'allais dire, par contre, il est très bronzé. C'est les UV. Et ça, je me demande comment il fait. C'est les UV, les vapeurs de tulipes. Voilà, c'est ça. Bon, allez, passez une bonne journée tout le monde. Dans un instant, le self redémarre avec Lucas qui reprend l'émission en main. Si jamais vous voulez proposer des sons, eh bien ils sont les bienvenus évidemment. 30-44, débutez le message par self tout simplement. Quelque chose de prévu en particulier? Non. Pas encore. D'accord. Dans 5 minutes. Dans 5 ok, minutes. Bah, dans 5 minutes, alors il n'y a pas de problème. J'arrive. Et puis, ah oui, bah, justement, je vais te faire écouter un son là, ça se passe tous les soirs là, il y a beaucoup de gens qui le demandent. C'est le nouveau DJ Nabil Kefta. D'accord. Ouais, c'est ça. Celui-ci, c'est pour toutes les rachidas. C'était fait par Nabil le soir dans la libre antenne et les gens kiffent. Hein. Une grosse rotation chez nous alors. Ah bah, pas encore, mais ça passe souvent dans le self. Hein. D'accord, c'est bon à savoir. Voilà. J'en vais en mettre dans le bain là. Ouais. Attends, et c'est classé dans l'ultra top. Hein. Numéro 2301. C'est l'ultra flop à mon avis. Voilà. C'est classé. Hein. Voilà, bon, la libre antenne, vous allez la retrouver ce soir évidemment avec Vince, Labille et la B2C à partir de 20h. Passez une excellente journée. Donc Lucas qui arrive dans un instant et nous rencard demain à partir de 6h du match. Ciao tout le monde. Il vous manque déjà. Pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio.